Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Et bien le bonsoir à tous et bienvenue ce soir dans notre émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, 95 FM comme tous les mardis soirs de 20h à 22h30, n'est-ce pas? Voire 23h. Voire 23h parfois, mais cette fois-ci non, on va quand même essayer de s'y tenir à cet horaire. J'espère amis RQC et RQCN que vous portez bien. Nous on se porte plutôt pas mal, hein? Oui, ça va. On est bien, hein, on est bien. Ouais. On a Onissa qui est avec nous. Hello, j'espère que vous allez tous bien, je vous embrasse très fort. Oh là, on a perdu des auditeurs là, je crois. Non, des auditrices, les auditeurs ils sont là, je te promets. Ouais. C'est cela, oui, c'est cela. Bien sûr, Flipkat. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Eh ben, bien, merci, et toi? Oui. Et vous? Eh ben, bien. Oui, on aura très bien. Et ton nickel, ça va? Ah, il va mieux. Ça a été dur, hein? Non. Tu raconteras ça, hein, dis donc. Et non, mais week-end très soft. Oui. Ah, je sais pas, j'en sais rien. Il y a eu des bruits qui courent, des bruits de couloir, comme quoi ce week-end était un peu chargé, quoi. Comme tous les week-ends d'ailleurs. Il était chargé effectivement, mais j'étais sage, oui. D'accord, bon, tu nous raconteras peut-être ça, on ne sait pas, on verra. Si vous voulez. On verra, évidemment avec Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors Sherlock, toi tu nous as concocté évidemment donc un petit rétro ciné 80. Oui. Quelle année? De 1981. Ouais, donc rappelle-nous un peu le principe quand même évidemment. Donc le ciné rétro 80, en fait, j'ai regardé un film cette semaine des années 80 que je vais essayer de vous faire deviner donc lors de la chronique par des petits indices, soit des musiques, soit des extraits de dialogue. Ouais, j'adore. Et j'adore. Des petites infos que je vais vous donner par la suite. À 22h évidemment, les sorties cinéoches. Oui, tu nous pour demain, voilà. Pour la Belgique et pour la France. Ça c'est bien. Donc ce soir, nous n'aurons pas Canon. Eh oui. Ah, oui. On l'a perdu en route. On l'a perdu en route évidemment, puisqu'effectivement ce soir il travaille, il est au Singing Studio. Pour, alors je sais plus exactement c'est quoi, c'est le concours européen du karaoké, c'est ça, hein? Ouais, normalement c'est la demi-finale. Je crois que c'est la demi-finale du concours européen, ouais. De karaoké. Voilà, qui se passe à Lille. Et sera lui présent. En juillet, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est en Pologne, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Budapest, non? Ah, Budapest, ouais. Je sais plus. Ou à Prague. Bref, c'est dans un pays de l'Est. C'est un pays de l'Est, ouais, voilà. Effectivement. Donc, on a une petite pensée pour lui, puisque ce soir, grâce à lui, enfin, en partie, hein, on va se retrouver quand même bien entouré, puisqu'on va recevoir presque toutes les candidates donc à l'élection de Miss Aluin, qui aura lieu donc ce samedi soir à la salle du manège. Ouais. Vous allez avoir l'occasion donc de les découvrir, de découvrir aussi les organisateurs et aussi les initiateurs, ceux qui seront à l'initiative de cet événement, puisque c'est un événement, rappelons-le, qui a été remis au goût du jour l'année dernière et qui n'avait plus existé depuis la fin des années 70. Depuis 77. 77, absolument. 77. Donc ils vont nous raconter tout ça, nous parler de ce bel événement, et une bonne nouvelle aussi, il va venir accompagner ces gens-là, puisqu'on va vous faire gagner des places. Oui. Il y aura un pass carré or et il y aura aussi 4 places à gagner. 3. Pour aller. 3 places, on m'avait dit 4. Non, c'est 4 3. En tout. Bah, ah, bah ça fait 4 en tout, bah oui, évidemment. Donc 3 places traditionnelles, mais 3 belles places quand même. Mais ça, on vous en parlera beaucoup plus longuement d'ici quelques minutes, juste après cette petite coupure musicale. Oui, avec Marc Lavoine. Et les yeux revolver. Oh yeah. Ouais. Bah oui, bah forcément. Il y a des misses qui sont là, je peux pas me retenir, il faut que je mette des trucs. Attention, retiens-toi tout de même. Hein. Ouais, bon, d'accord. D'accord. Le Pierre Perret, tu le mets pas. Hein. Ouais. Ok, ça marche. Et ensuite, on reviendra avec Tué, Belren et Lena. Oh, tu dis ça bien. T'as vu ça? Je me suis entraîné toute la semaine parce que j'ai réécouté la dernière fois, t'en avais parlé. Donc ouais, parce que c'est un groupe néerlandais à l'origine. Donc souvent on dit Tué, Belren, mais non, c'est Tué, Belren. Voilà. Et bon, on se retrouve tout de suite après ça. Allez, c'est parti. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues, et je devine des histoires défendues, c'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort, tellement

Salut ses partenaires. Salut ses particuliers. Et on est avec vous sur RQC. Dans l'émission 80 à l'heure. Je suis un être à la recherche. Et oui, et nous ce soir, nous sommes à la recherche de la beauté. Et oui, parce que je vous l'ai annoncé tout à l'heure, juste dans le sommaire de notre émission, nous allons recevoir d'ici quelques instants presque toutes les candidates à l'élection donc de Miss Saluin, qui aura lieu, donc je vous rappelle, ce samedi soir à partir de 19h30 à la salle du manège. Vous allez avoir l'occasion donc d'ici quelques instants de faire connaissance de l'ensemble des candidates, mais avant toute chose, on va faire connaissance des organisateurs et surtout de l'initiateur, enfin l'un des initiateurs quand même de Miss France, puisqu'on a avec nous, donc monsieur le maire de la ville d'Aluin, monsieur Gustave Dassonville, bonsoir. Bonsoir. Ça faisait longtemps, tiens. Ça faisait un an. Oui. Ça faisait un an qu'on s'était vu. Alors évidemment, rappelons que Miss Aluin donc existe. En réalité, depuis l'année dernière, oui et non. L'année dernière, c'était un grand retour. Ouais. Un grand retour. La dernière édition remontait à la fin des années 70. Ouais. Donc voilà, c'était, on peut dire, quasiment une première l'année dernière, parce que la configuration du concours Miss France a quand même beaucoup changé entre-temps. Et là, et ce sera le cas encore samedi, c'est une cérémonie d'élection qualificative pour d'abord Miss Nord-Pas-de-Calais et en cas d'élection à ce titre-là, qualificative pour Miss France. Oui, parce que c'est pas juste reine de beauté des élections qu'on connaît dans la région, c'est aussi... Une porte ouverte, quoi. Voilà, ouais, complètement. Ouverte, complètement. Et d'ailleurs, on reviendra tout à l'heure sur les critères. Tiens, on demandera aux candidates quels sont les critères pour pouvoir accéder donc, à la candidature donc, de Miss Aluin, parce qu'il y en a des critères, on en parlait hors studio. C'est pas simple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre fin des années 70 et puis l'année dernière? Alors, pourquoi remettre au goût du jour une élection de la ville de Miss Aluin? Alors moi, mes motivations en tant que maire, c'était d'essayer de faire connaître la ville un peu plus, d'abord dans la région, et puis pourquoi pas encore au-delà des frontières de la région. Moi, ce qui me plaît en tant que premier magistrat de la ville, c'est le côté rassembleur, ouais. Parce que les Miss, c'est l'élégance et la beauté, et donc ça rassemble. On trouve dans la salle, dans le public, vraiment des gens de tous horizons, de tous les milieux sociaux, et moi, ce côté rassembleur, j'aime beaucoup. Voilà, et en même temps, ça fait connaître la ville. C'est pour les commerçants locaux une formidable occasion de se faire de la pub. Les commerces d'Aluin, voilà, les commerces d'Aluin peuvent être partenaires de la cérémonie. Ils sont cités pendant la soirée. Leur logo et leur publicité figurent dans le livret qui sera remis à chaque spectateur ce soir-là, ainsi que sur tous les supports, sites de la ville. Etc. Donc ça leur offre une visibilité, je dirais, assez intéressante. Ah ouais, c'est une belle. Ouais, c'est chouette, une belle opportunité. C'est une belle opportunité pour le commerce. Alors cette année, combien de candidates? 18. Il y en a plus que l'année dernière. Eh oui, l'année dernière, il y en avait 14. Ouais, donc fort de son succès cette année. Ouais. Oui, avec des candidates qui viennent parfois de loin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le règlement Miss France prévoit que si on habite dans la région, on peut se présenter à n'importe quelle élection qualificative Miss France qui se déroule dans cette région. Donc là, il s'agit de concourir au titre de Miss Nord-Pas-de-Calais dans un premier temps. Donc toute jeune fille qui habite dans le Nord ou le Pas-de-Calais peut se présenter au titre de Miss Aluin. Donc dans les Hauts-de-France. Non, alors non. Alors, ah non, justement pas. Ah bah alors voilà. Ah, bah, c'est pas la Picardie, justement alors. Pas. C'est-à-dire que la société Miss France ne s'est pas mise à la page du changement administratif qui est intervenu, parce qu'il y a encore une Miss Picardie, par exemple. Ah oui, c'est juste. C'est vrai. Or, la Picardie. Et puis s'ils avaient fait ça, il y aurait eu beaucoup moins de Miss aussi. D'accord. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'on serait passé à 13 Miss, quoi. Donc ça aurait été un peu rapide. Donc il y en a deux pour les Hauts-de-France. Vous avez Miss Picardie et vous avez Miss Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Bien. C'est bon à le savoir. Ah bah oui, mais tu pourras pas te présenter, je te le dis. Moi, je suis trop vieille. trop petite. Pas trop vieille, trop petite. Pas assez jeune, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, mais peut-être qu'un jour ils feront Miss Marbon. Qui sait, qui sait. Bon, on en reparlera, ouais, peut-être, hein, que super mec aussi, non? Non, non, ça c'est nul, hein. Non, bah ah. si, ça peut être sympa. Ah ouais, ça nous changerait. Vous n'aimez pas, Ah si, pour une fois, on aurait des élections du super mec, non? Ah si, ça serait bien. Bah alors, je fais le règlement. Je crains le pire, je crains le pire. Alors, nous sommes également donc avec le président Redouane, donc président du de l'élection, hein, c'est ça. Ça consiste en quoi alors le poste de président, parce que c'est quand même c'est une belle charge sur les épaules, non? Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Le poste de président, il s'agit en général pour créer un lien et tout ce qui est relationnel entre les candidats, les commerçants, la ville et tout ça. Donc ça joue un rôle important et surtout de créer l'ambiance et le lien d'amitié et un peu loin de ça, de famille, et qu'on puisse garder le contact le maximum possible. Donc, ce rôle, c'est vraiment important. Et ça joue aussi sur la préparation, par exemple, de cheveux, ou de la chorégraphie, ou la façon de défiler. Donc, je suis toujours là et j'ai l'œil. Je regarde chaque personne comme elle défile, chaque personne comme elle se comporte, et chaque personne, sa façon de marcher, sa façon de parler, sa façon de rigoler. Moi, j'aime bien ce côté-là. Donc, c'est un rôle très important. Ouais. Mais c'est pas toi qui t'occupes des chorégraphies, Non, on a un partenaire qui s'occupe de la chorégraphie. Mais supervise tout. Mais moi, je regarde spécialement comment les filles défilent. J'aime bien ce côté-là. J'aime bien que ça soit parfait, qu'elles défilent dans tout lit. Côté de corps. Il y a la super place, lui, en fait. Il faut expliquer à nos auditeurs. Il a joint à la parole les gestes. Oui, mais les gestes parlent pour eux-mêmes. Ouais, absolument. Ça veut tout dire. Absolument. Nous sommes aussi également avec Dimitri, hein, qui est le secrétaire. Là aussi, également, Dimitri, la question que je me pose, c'est le secrétaire, là, ça consiste en quoi Bonjour déjà. Et puis, écoutez, le rôle de secrétaire, ça reste toujours tout ce qui est administratif, hein, j'ai envie de dire. Après, j'accompagne beaucoup Redouane dans justement tout ce qu'il vient de dire. On défile aussi, hein. T'as besoin d'un coup de main, Redouane. Plutôt, tu vas avoir des candidats. Hein. Coup de main, Redouane, et effectivement, on essaye de mettre à l'aise au maximum les filles pour qu'elles puissent rigoler, qu'il y ait une meilleure cohésion. Être présent au maximum. Par exemple, je donne un exemple. Miss Aluin 2016, qui n'avait pas spécialement les moyens de se déplacer, au-delà de ma fonction de secrétaire, j'allais la conduire à ces gars-là. Ah oui, d'accord. Dans les villes de la région. Oh, c'est pas désagréable hein, comme tâche. Non, c'est vrai. Justement, mais faut pas hésiter à nous demander. Hein. Peut-être qu'on est dans le coin et qu'on peut déplacer. Qui sait. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'elles sont coucounées, quoi. Elles sont entourées et suivies. Ça, c'est chouette. Ouais, il n'y a pas de différence. Elles sont toutes sur le même piédestal. Et puis, on fait plus. Ouais, c'est un show. Pour effectivement atteindre la marche de Miss Nord-Pas-de-Calais, mais avant tout c'est vraiment une élection locale et on fait de ça vraiment une grosse c'est notre marque de fabrique. C'est notre marque de fabrique. Il y en a un qui est stressé autour de la table. C'est Dimitri. Vous entendez là, la table. Mais ça va, hein, t'inquiète. Le problème à la radio, c'est qu'on entend tout. C'est vrai. Bon, eh ben, ce qu'on va faire, c'est avant de recevoir donc les premières candidates, découvrir les toutes premières candidates à l'élection donc de Miss Aluin donc 2017, on a quand même le plaisir de vous annoncer, mes chers amis auditeurs et auditrices, que vous allez avoir la possibilité donc de remporter une place en carré or. Pardon. En carré or. Carré or. En carré or, pardon. Oui, oui. Dis, arrête. Mais tu me trompes. Je suis stressé. C'est pas moi la miss, elles arrivent. Oui, donc une place en carré or, évidemment. Ou alors, c'est Onissa qui te trouble ou c'est toutes les misses qui vont. Mais c'est plutôt les misses. Pas du tout. La température, elle va grimper. Et pas seulement ça, aussi vous pourrez aussi remporter donc trois places pour donc trois places traditionnelles, d'accord. Bon, arrête de me regarder. Pour ça, on va demander à Monsieur le Maire de poser une question. Et la réponse, il suffira juste de nous la donner sur Facebook, sur notre page officielle donc de l'émission 80 à l'heure. Le premier qui donne la réponse, hop, il va pouvoir. Alors, on commence par quoi? Par le carré or? Comme vous voulez, c'est... Non, on va peut-être gagner en dernier le carré or. Allez, on fait gagner en dernier. Moi, on va dire que là, c'est une place pour une place traditionnelle donc pour assister donc à l'élection. Mais la condition sine qua non, c'est la suivante, c'est de pouvoir répondre à la question suivante qui est... Bah écoutez, on va parler d'Aluin. Ah ouais, c'est ce qui me tient le plus à cœur. On peut commencer peut-être par cette question. quel est le lien entre la ville d'Aluin et l'actuelle Miss Univers, Iris Mitnar? Ouf. Ouais. Ah ouais, tiens, vous faites la réponse sur Facebook. Le premier qui tire, bah, il gagne. Il gagne donc une place. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, encore? T'as entendu ce que tu viens de dire? Le premier qui tire, il gagne. Je te promets que tu viens de dire ça à la radio. Alors, non, le premier qui donne la bonne réponse gagne une place. Pas celui qui tire. Lol. Tout de suite, là. Non, mais attends, tu plaisantes. Non, c'est toi. Oui, mais non, mais bien sûr. Tu déconnes. On lui coupe le micro, elle. Donc, le premier qui donne la bonne réponse, évidemment, sur notre page officielle, donc de 80 à l'heure, eh bien, remportera donc une place pour assister donc à l'élection. Ah, samedi, c'est bien. Soir. Eh ouais, samedi soir. Eh bien, avant de recevoir donc les premières candidates, petite coupure musicale. Oui, alors avec les Milli Vanilli et Girl, You Know It's True. Ouais. Une chanson de Lover encore. Ouais, on va dire ça, ouais. Ouais, sauf que c'est bon, pas même chance, c'est, mais, c'est vrai, bon. C'était pas eux qui chantaient. Pas eux qui chantent, mais bon. C'est eux qui bougeaient quand même leur corps et c'est qui vrai. Attiraient les... Les regards. C'est ça. Et les tubes. Et ensuite, on va revenir avec Cookie Dingler et Femme Libérée. Oh, ah ouais, mais ça va être que des chansons de femmes, en fait, c'est ça, ce soir. Je vais essayer, ouais. Ouais, ah ouais, tiens, ça peut être sympa. Ouais. Ah bah ouais, tiens, pourquoi pas. Pourquoi petite pas. Thématique. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. So what are you doing back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me. I really mean that much to you? Girl, you know it's true. Yes, you know. night. Était cher, le mondial entend qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Elle s'éclate quand même et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Qu'elle sort, même dans elle, ils disent qu'il faut faire un effort. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. De temps en temps, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Et oui, donc Cookie Dingler, femme libérée. Alors c'est moi qui reprends les commandes parce que notre ami Sherlock, il est parti, je sais pas. Ouais, non, on va pas dire ça quand même. Non, mais il est parti essayer de régler un petit détail technique. Donc vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, évidemment, comme tous les mardis soirs. Et ça, vous le savez, donc de 20h à 22h30, nous sommes avec Onissa. Hello. Nous sommes avec Flipkat. Hello. Nous sommes avec Sherlock. Oui, hello. Ah bah tiens, bah assis-toi là, tu peux t'asseoir là. Oh, après bah tu te débrouilles, chouette. Alors est-ce que tu as réussi à régler le petit détail technique dans le bar ou pas? Pas du tout. D'accord. Ah donc les pauvres candidates ne peuvent pas écouter l'émission en direct. C'est ça. Mais tu peux rassurer les gens, c'est qu'effectivement à partir de demain, il y aura le podcast. Oui, alors sur le site de la radio, donc www.rqc.be, ouais. Vous cliquez dans le petit onglet émission, vous allez rechercher au mardi l'émission 80 à l'heure, et là vous avez la playlist et le podcast qui va apparaître. Voilà, et donc là vous pourrez vous réécouter bien évidemment. Donc avant de recevoir donc les deux premières candidates donc à l'élection de Miss Alluin, je vous rappelle qu'il aura lieu donc ce samedi soir à 19h30 à la salle du manège. Eh bien, je vais vous demander d'accueillir Romain qui est avec nous. Romain qui, alors lui, il a pas la tâche facile puisque c'est le trésorier. Alors on parle de comité, hein, c'est ça, hein. On parle de comité ou pas, Romain? C'est ça, effectivement. On parle d'un comité, hein, dit aussi. Donc toi, tu es trésorier, tu t'occupes des cordons de la bourse. Voilà, en fait, je m'occupe de la billetterie. Ouais. Je suis en charge de vendre les billets. Donc tous les lundis et les mardis en mairie d'Aluin, ouais. De 17h à 18h30. Et ensuite, je vends les billets le soir du gala, de 18h30 à 20h environ. Ah, mais de toi à moi, est-ce que le soir du gala, il y aura encore des places? Oui, on va encore en vendre beaucoup, visiblement. Deux. Le soir même. Le soir même. On va encore en vendre deux. Non, mais parce que ça marche bien, c'est un événement qui marche très très bien, donc forcément, il faut faire très vite. Alors tu fais bien de le dire, si on veut réserver, donc il y a une permanence à la mairie d'Aluin, c'est voilà, ça ouais. J'ai ouï dire qu'il y avait aussi également sur un site internet où il y avait la possibilité de réserver en ligne. Oui, on en vend en ligne avec un logiciel. Ouais. Et puis là, on en a vendu. Et on fait comment alors? On va sur une adresse bien particulière? Donc c'est par le biais du site de la ville d'Aluin. Ouais. Donc il y a une plateforme dédiée. D'accord. Et donc voilà, puis on peut commander les places. Bon, mais de toute façon, j'imagine que pour retrouver le site de la ville d'Aluin, ça doit pas être bien compliqué. C'est ville-aluin.fr, quelque chose dans ce genre-là. Voilà. C'est ça? C'est ça? Aluin.fr, c'est encore plus simple. Bah oui, donc n'hésitez surtout pas et dépêchez-vous parce que ça se passe samedi soir. Donc autant vous dire que les places elles vont vite partir. Eh bien, on va recevoir les deux premières candidates donc à l'élection de Miss Aluin. Romain, je te propose une chose. Tiens, tu vas nous présenter la première de ton choix. Tu nous présentes l'une des candidates. Allez, vas-y. Bah écoutez, aussi je pourrais pas vous la présenter parce que j'ai pas assisté au casting. Tu l'as posé de colle. Bon, on va demander à cette jolie demoiselle de se présenter. La première, hein, c'est toi, désolé, mais de te présenter et ton âge, ce que tu fais. Enfin voilà, on veut tout savoir sur toi. Attention, roulement de tambour. Bonsoir. Bonsoir. On dirait que tu as chaud. Non mais je te rassure, nous aussi, hein. Alors comment tu t'appelles? Alors je m'appelle Mélanie, ouais. J'ai 18 ans, j'habite à Lers, je suis actuellement agent d'accueil à Otera du Sar, un magasin sur Villeneuve-d'Ascq. Ouais. Et Otera, c'est là où on vend des produits bio. Non, c'est pas bio, c'est en circuit court, mais c'est pas bio. Ah pardon, mais c'est des légumes et tout ça, enfin. Ouais, un peu de tout. Ah, c'est pas bio. Ouais, non, ils vendent de la viande, ils vendent plein de trucs, c'est sympa. Ouais, je vois où c'est là. Des producteurs locaux. C'est ça. Ouais, d'accord. Et je reprends mes études en septembre en tant que première année d'infirmière. Ouais. Donc voilà, je pratique de l'équitation, je monte à cheval. Ah, moi aussi j'adore le cheval, avec des frites et des oignons. Pas dans mon assiette, mais... Ah bah surtout si elle adore les chevaux, waouh. Et pourquoi te présenter justement donc à l'élection de Miss Aluin? Alors c'est un rêve de petite fille, je pense, comme un peu toutes les candidates qu'on a rencontrées. Du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Rien n'est perdu et j'espère pouvoir un jour porter l'écharpe et représenter la ville d'Aluin. Ah, bah c'est bien dit. Alors, nous, on a un petit rituel ici dans l'émission, quand on reçoit les candidates, évidemment, c'est que on leur pose une question. C'est notre ami Sherlock qui s'est fait un plaisir de se concocter un petit sac à Miss. Sac à boule, d'habitude, on dit. Un sac à boule, ouais, comme vous voulez, enfin bref. Les boules de Sherlock. Voilà, ce sont les boules de Sherlock. Normalement, c'est les boules de Sherlock, ouais. Ce sont les boules de Sherlock. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est une image. C'est une métaphore. Oui, mais il a quand même mangé tous les Kinder. Il a mangé tous les Kinder pour pouvoir avoir ces boules. Alors, tu vas tirer au sort une boule dans laquelle il y a une question. Alors, soit c'est une question ange, soit une question démon. C'est toujours bon enfant, bien évidemment. Et c'est alors tu vas juste voilà, tu prends la boule, tu la donnes à Onissa et Onissa va se faire le plaisir de te poser la question. Bon, j'espère que c'est alors c'est sous le contrôle de notre huissier bien sûr, maître Onissa. Ouais. Et maître Cotter. Yes, c'est un démon. Ouais. Ah, vas-y. Alors, présente-nous les deux candidates suivantes avec deux adjectifs. Est-ce qu'elle sait? Bah, présente-nous la candidate à côté de toi, c'est mieux. Oh, c'est question de démon ça. Ouais, avec un adjectif. Qui sont à l'inverse de ce que tu penses. Ah ouais, bah voilà, ils ne posent pas bien les questions. J'ai adapté la question faut pas l'adapter, aux circonstances. Non, faut pas adapter. Tu choisis. Est-ce que t'as compris déjà, parce que c'est avec tout le bazar. Tu peux répéter. Merci. Donc, présente-nous la candidate à côté de toi, ouais. En nous donnant un adjectif qui est à l'inverse de ce que tu penses. C'est-à-dire que si elle est sympa, tu dis qu'elle est vraiment... D'accord. Eh ben, elle est très moche. Ok, bon, en tout cas, bonne humeur. Hein. Bonne ouais, humeur, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est eh ben, ce que tu vas faire, par contre, tu vas nous la présenter malgré tout. Vraiment. Voilà, tu nous la présentes et si tu la connais, évidemment. Oui, je la connais. Ah, bon, enfin, ça va alors. Un petit alors, peu. Comment tu la présenterais alors? Je dis son prénom. Oui, oui. Donc, elle s'appelle Anaïs. Ouais. Elle a 17 ans, mais elle va sur 18. Elle est en école d'esthétique. Ouais. Elle habite à Luin. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh ben, on va lui demander. Oui. On va lui demander. Je laisse te présenter. Bonsoir. Bonsoir. Donc, bah, comme je disais, je m'appelle Anaïs. J'ai 17 ans. Je vais faire 18 ans. Je suis en troisième année d'esthétique à la Sainte-Union de Tournai, donc en Belgique. Ouais. Dans le but de devenir socio-esthéticienne ou pourquoi pas maquilleuse professionnelle. Pour devenir quoi? Socio-esthéticienne. Socio-esthéticienne. Ouais, voilà, travailler dans le médical, tout ça, aider les personnes qui sortent d'un cancer. Ah, excellent, ah, ouais. D'accord. Dans le médical. Donc voilà. L'humanitaire, quoi. Ouais, sympa. Voilà, c'est, ouais, sympa. C'est un super truc, ça. Eh bien, moi, ce que je te propose, c'est justement donc, de tirer une boule. À Sherlock. À Sherlock, dans le sac à Miss. Et c'est notre ami Flipkat qui sera le plaisir de poser la question, bien évidemment. Oui. Il adore ça en plus. Tout à fait. Avec sa voix de stentor. Notre Grimlis préféré. Alors. Ah, il est sûr, je vois que c'est un démon. Ouais, encore. on l'a vu. Ouais. Ouais, exact. Vas-y. Question bidon. Alors, toutes les autres candidates disent que tu es une vraie peste. Pourquoi? C'est une question bidon, hein. Oui, il a précisé quand même. Mais enfin, on a entendu dire que... Pourquoi elle pourrait dire ça, toi? Ouais, pourquoi elle pourrait dire que t'es une peste? Déjà, donc, elles me connaissent pas trop, donc je sais pas... pourquoi elle me dirait peste Parce qu'elles te connaissent pas. Ben voilà, voilà. C'est sûr. Donc elles me connaissent pas et elles savent pas ce que je suis vraiment. Voilà. C'est ça. En même temps, c'était une question bidon. Hein, ouais, donc... Oui. Mais, c'est, voilà. Mais ça nous permet en fait de vous découvrir aussi et puis de vous décontracter. Parce que à chaque fois, on pose toujours des questions un peu de culture, ou genre de choses. Et nous, ce qu'on a envie, c'est d'apprendre à mieux vous connaître. Donc voilà. Eh bien, merci Anaïs. Merci Bénédicte. Mélanie. Merci Mélanie. Excusez-lui, il est un peu troublé. Moi, quand je connais pas, j'invente les prénoms. Il y a des vestiges de son anniversaire. Donc, Mélanie et Anaïs, ben, on vous souhaite bonne chance, évidemment, donc, pour l'élection de Miss Ouattre-Lo. Miss Ouattre-Lo. Arrêtez, moi, je suis fatigué. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va passer rapidement une coupe musicale. C'est ça. Ouais, c'est ça, carrément. Non, en tout cas, amusez-vous bien et profitez-en un max. Absolument. Merci. Allez, c'est ça, surtout. Sherlock. Oui, une petite coupure musicale avec donc, les Boys to Men et End of the Road. Bah, tiens. Et Bonnie Tyler avec If You Were a Woman. Yeah. Qu'est-ce que je fais, hein? On va danser. Hein? Eh ben écoute, je te le demande. Ah, ouais. Tu me diras ça hors antenne. Ça marche. Allez. Girl, you know we belong together. I don't have no time for you to be playing with my heart like this. You'll be mine forever, baby. You just... belong together, and you know that I'm right. Why do you play with my heart? Why do you play with my mind? Said we'd be forever, said it never die. How could you saying good. I'm not afraid to die. We'll be right back. Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 95 FM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. Je ne m'en lasserai jamais. J'adore ce titre. Et j'adore aussi la rencontre, puisqu'on l'a rencontré. Mémorable. Il y a bien 2 ans maintenant, je pense. Oui. Ouais. C'était facilement. Ma première interview d'ailleurs. C'est vrai. Il y a 2 ans en interview pour la radio. Ouais. Lim m'a chargé de te passer le bonjour. Ouais, et m'a demandé si tu ne l'oubliais pas. C'est vrai, je lui dois 100 livres. Ouais, je lui dois 100 livres. J'avais fait un pari avec lui et j'ai perdu. Et c'est bête parce que depuis le Brexit, la livre remonte un peu quand même. Là, hein. Oui, mais bon. Tu ferais bien de t'acquitter de ta dette. Oui, mais bon, je suis de là à ce que je le revois, quand même. Mais moi, chose, vous avez fini là. Mais quoi? Mais tu pourrais parler dans le micro, ça serait pas mal aussi. Je n'ai pas de micro. Mais tu le prends. Tu le prends. Bon, vous avez fini les mopettes. Oui. Alors, on rappelle qu'effectivement, ce soir, nous sommes évidemment donc avec toutes les candidates, enfin quasiment toutes les candidates à l'élection de Miss Aluin. On a reçu il y a quelques instants donc les 2 premières candidates. Vous avez déjà pu vous faire une petite opinion, en tout cas au niveau de la voix. Après, physiquement, moi je vous invite à aller sur le site internet de la ville, hein, et là vous allez retrouver toutes leurs photos, leurs péripéties, puis surtout avoir l'occasion donc de réserver pour cette fameuse soirée qui aura lieu donc samedi soir à partir de 19h30 à la salle du manège. Alors, on avait posé une question tout à l'heure, donc Gustave, qui est le maire d'Aluin, qui est avec nous, on avait posé une question pour pouvoir remporter une première place pour cette soirée. Et la question était la suivante, c'était quel est le lien entre Miss Univers et la ville d'Aluin? Et on a eu une réponse, donc dans l'informatique. Alors, c'est un nom d'emprunt, hein, j'espère pour lui en tout cas. J'imagine qu'il n'y en a pas. Oui, justement, mais bon, les peut-être boules. Pas, peut-être, mais en tout cas, et il a répondu. Oui, alors, il a répondu, elle y a fait ses premiers pas, donc je lui ai noté, qu'entends-tu par elle y a fait ses premiers pas? Ouais. Et là, il vient de me répondre, sa première scolarité. Ah, alors? Ben oui, puisque... C'est pas faux. Je pense que c'est bon, parce que, en fait, Iris Mitnard, de sa naissance jusqu'à l'âge de 3 ans, habitait à Luin, avec ses parents. Sa maman était une institutrice d'une de nos écoles, à Luin. Donc elle y a fait ses premiers pas puisqu'elle a appris à marcher à Aluin. Donc je pense que la réponse si on est bonne. Prendre, bah oui, dans le bon sens du terme. Ouais. Je ne sais pas à quel âge elle est rentrée en maternelle, mais bon, comme elle a quitté Aluin à l'âge de 3 ans, il y a fort à parier que effectivement sa première scolarité devait être à Aluin. Il faudrait vérifier ce détail. Enfin, je crois que vous pouvez. Enfin, il ne m'appartient pas à moi de vous commander, mais allez, on va dire que c'est bon. Allez, ah, c'est oui, gagné. Quand même, oui, hein. Allez, je pense c'est qu'on gagné. Peut considérer que c'est bon, oui. Alors, les conditions sont les suivantes, c'est qu'il va falloir se présenter donc le soir même, évidemment. Et un peu à l'avance quand même, plutôt vers 18h30, donc à l'entrée donc de la salle du manège. Alors il va falloir qu'en message privé vous nous donniez vos vraies coordonnées, en tout cas le vrai nom et le vrai prénom, parce que j'ai un peu un doute quoi, l'informatique est plutôt un jeu de mots derrière tout ça. Donc, et puis les voilà. Autres auditeurs ont entendu ce nom, donc on ne peut pas s'en contenter désormais, ils peuvent être... Une centaine à venir nous dire qu'il s'appelle à l'informatique. Absolument, absolument. Donc il faut nous donner donc en message privé au moins le prénom et le nom pour pouvoir réserver la place. Donc samedi soir. Pour récupérer la place. Et récupérer la place, bien sûr, la réserver et la récupérer. Ouais. Donc, et bien, en plus, là, on va continuer à faire gagner des places avec une nouvelle question. Gustave, vous allez nous la poser, évidemment. Mais écoutez, je vais encore parler de ma ville. Ouais. J'ai un côté un petit peu chauvin hein, sur bien, les bords. C'est sur les bords, c'est très bien. Alors, écoutez, une question très facile. Quel est le nombre d'habitants d'Aluin? On prend à 500 près. Hein. D'accord. Ouais. Hein, ouais. Parce que, bon, selon les statistiques de l'INSEE... Oui, voilà, Wikipédia et toutes les sources d'information. C'est ça. Donc, je pense qu'à 500 près, c'est quand même assez facile à trouver. Et donc, si vous nous répondez bon à cette question, eh ben vous visez dans le mille, hein, n'est-ce pas? Si vous visez dans le mille, voilà, ça va mieux comme ça, non? Voilà, vous allez remporter donc une place pour l'élection donc de Miss Aluin. Je vous rappelle qu'il y aura lieu donc ce samedi soir à la salle du manège, donc à partir de 19h30, et vous aurez l'occasion donc de découvrir toutes ces demoiselles sur scène, dont l'une d'entre elles qui est avec nous, donc c'est la candidate numéro 3, enfin 3, c'est pas forcément chronologique, mais en tout cas, c'est la troisième que nous recevons ce soir, c'est Margot. Bonsoir. Tu voulais pas que ce soit toi qui commence, je crois. Si, y a pas de souci. Bon, bonsoir Margot. Bonsoir. Alors dis-nous, comment tu t'appelles Margot? Je m'appelle Margot. Alors l'âge, ce que tu fais, évidemment, on va en savoir un peu plus sur toi. Ouais. Alors j'ai 22 ans, j'habite à Léquin et je suis assistante commerciale dans une PME sur Fâche-Tuminil. Ouais. Je vends du matériel médical au groupe EDF. Wow, d'accord, du matériel médical au groupe, EDF. Oui. Il se crame beaucoup. Des défibrillateurs. Voilà, ah ouais, bah ouais, bah j'imagine, j'imagine. Alors bah tiens, justement, on en parlait tout à l'heure, mais donc pour l'élection, c'est une élection officielle. Hein, on rappelle quand même que vous aurez, si vous avez la, vous avez la possibilité grâce à Miss Aluin de continuer de faire l'élection, donc Miss Nord-Pas-de-Calais, c'est bien ça, hein. Mais seulement c'est un peu plus rigide que les élections de reine de beauté, puisque là c'est officiel. Quels sont les critères alors pour pouvoir prétendre à l'élection de Miss Aluin? Alors déjà il faut avoir entre 18 et 24 ans, il ne faut pas avoir d'enfant, il ne faut pas être enceinte, il ne faut pas être mariée. Ouais. C'est pas gay hein, en fait. Bah non, c'est vrai. Faut pas fumer. Ah, c'est vrai? Allez! Hein? Non! Bah, c'est un peu déconseillé quand même. Fumer, fumer, fumer ou fumer? Est-ce que vous avez déjà vu Iris Maltena une clope au. Ouais, mais on va pas fumer sur scène. J'imagine qu'il est avec sa clope. Si on fume dans la vie. Non, c'est pas dans le règlement, mais il faut pas qu'il y ait des photos avec la clope au bec. Ah oui, d'accord, un peu comme Lucky Luke quoi, mais. D'accord. Ça fait pas classe quoi. Et pas de tatouage, il paraît. C'est déconseillé aussi. Ah, déconseillé ou interdit? Non, déconseillé. Bah... En fait, c'est pénalisable. Élodie Gossuin qui sera jamais mis à l'écran. Élodie Gossuin avait un tatouage. Ouais. Ah bah alors donc c'est pas un critère le tatouage. Bah tant que c'est pas une grosse tête de mort dans le dos, ça va. Quoi. T'es grillé, Flip 4. Je vois pas ce que vous voulez dire. Bon. Ouais, ah, t'as bien choisi, là, franchement. Puis 4, tu pourrais pas se présenter, même un super mec. Non. On le verra jamais défiler en petite tenue crotte. C'est crotte pour toi, hein, parle pour toi. Alors, Margot, on va tirer au sort. Tu vas tirer au sort. Oui, donc, oui. Une des boules à Sherlock, et je vais me faire le plaisir de te poser la question. Alors, il y a deux styles de questions. Il y a les questions démons et les questions anges. Démons. Alors, il faut pas que tu la lises. Il faut pas que tu l'ouvres. Ne triche pas. Non, ne triche pas. Alors, attention, hop. Roulement de tambour. Ah, c'est encore une question de démon, il n'y a que ça. Yeah. Ah, j'adore ça. Alors, attention, Margot. Ça a l'air compliqué. Beaucoup, je te plains. C'est alors, une longue question, apparemment. Ou alors, t'as du mal à lire. Non, mais il est en phase réfléchissement. Là. Ouais, je réfléchis un peu parce que je suis en train de dire, mais c'est quoi cette question? qui les a rédigées? Alors, non, mais pour gagner. Une autre question. Non, mais pour gagner à l'élection. Alors, c'est aussi une question vache, on est d'accord. Hein, mais si pour gagner. Donc, à l'élection, si tu pouvais lancer un sort et ajouter un défaut physique, par exemple une jambe plus courte, un nez crochu... Un gros tatouage, voilà. Quel serait-il? À l'une de tes concurrentes, évidemment. À une seule? Non, tu peux le faire à toutes, hein, si tu veux, évidemment. Ah, à toutes. Si tu devais lancer un sort, tu dirais... Je ferais quoi, là? Ouh. Je pense que le pire qui puisse arriver à une candidate qui se présente, c'est de tomber sur scène. Ouais, ce serait marrant, ça. Pire truc. Ah ouais. Un gros gadin. Ah ouais. Ça, une peau de banane. Ça serait vache. Mais, ça, comme je suis gentille, d'avoir des chaussures en peau de banane, en fait. C'est vrai que ça a dû déjà arriver, j'imagine. L'année passée, ça n'est pas arrivé. Non, mais certaines élections, ça arrive. Mais bon, j'imagine. Est-ce que ça joue dans l'élection ou pas, fait de trébucher ou... C'est quand même pas à l'avantage de l'intéressé. Ah, l'année dernière, cette année, l'élection de Miss France... Il y en a une. Oui. Alors, c'est Miss... Miss Mayotte, je crois. Miss, ouais, ça doit être Mayotte. Ça. Oui. Ouais. Miss Mayotte. Mayotte. Il y a Miss Mayotte qui a chuté et qui s'est même fait très mal, d'ailleurs. Oups. Elle a fini sa soirée à l'infirmerie, je crois. Ah, c'est bien dommage. Hein. Si, c'est arrivé. Ouais, c'est... Je ne leur souhaite pas. Non, c'est une question. C'est une question démon. Hein. Mais bon, se casser une dent, ça peut être un moyen d'avoir une couronne. Oh, bravo. Alors là, c'est pas mal. Et celle-là, on va la retenir. C'est enregistré en plus l'émission. Ouais. Celle-là, on va la garder dans nos annales. Enfin bref. Choisis bien tes mots. Ça va rester. Je suis dans la ville natale de Raymond Devos, j'en profite. Hein. Ah, voilà. Je croyais que c'était Tourcoing, moi. Bah, on dit qu'il a été scolarisé à Tourcoing, mais j'ai toujours entendu qu'il était originaire de Moucron. Mais... Ah, oui, c'est oui, pas oui. faux aussi. Ouais. Rue du Midi, il habitait. C'est possible. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, c'est bien possible, effectivement. Et il était au Sacré-Cœur, d'ailleurs, au lycée. Oui, dont ouais. je suis un ancien élève également. Ah, moi aussi. Mais pas la même année. Un peu après. Oh, dis Que Raymond DeVos, bien sûr. Que Raymond DeVos, on s'entend bien. Et moi encore un peu après vous. C'est ça. Alors, Margot, bah, tu vas nous présenter la candidate suivante. Tiens, comment tu nous la présenterais? Alors, je vous présente Vanina. Ah, ah j'adore ce bonjour prénom. Bonjour Vanina. C'est celle qui va tomber sur scène. Vanina. Bonsoir Vanina. Bonsoir Vanina. Et c'est super comme prénom en fait. Hein. Oui. Non mais c'est vrai, ça faisait longtemps c'est que j'ai pas entendu ce prénom. Non, c'est pas commun, non, c'est clair. Et ça rappelle évidemment la chanson de, ah oui, Dave, de chanson Dave. Dave. Allez, vas-y, tu peux nous faire un petit coup de chansonnette là, ouais, Charlotte. Vas-y, si, tu te fais allez. Bien. Allez, vas-y. Vanina. Ah, il le fait bien, on peut l'applaudir quand même, on peut l'applaudir. Ah ouais, alors on Vanina. Pas tous en même temps, hein, par contre. Vanina, alors évidemment, bah, présente-toi un peu. Donc je m'appelle Vanina, j'ai 20 ans aujourd'hui. Ah, ah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Un taureau de plus. Et, ouais. Et j'habite à Comines. D'accord, France, Belgique France. Ah bah non, France, forcément. France. Eh oui, ouais. Évidemment. Et donc, France. Et donc, explique-nous un peu, parce que Miss Alliance, effectivement, ça consiste en quoi quand on est élu, si demain tu es élu Miss Alliance, c'est ce qu'on te souhaite, comme à toutes les candidates d'ailleurs, ça consiste en quoi? Vous représentez la ville, mais vous allez faire quoi? Il y a des événements particuliers, il y a des manifestations auxquelles il faut assister? Oui, dans la ville, il y aura des manifestations où on sera invité. Mm-hmm. Et ensuite, je vais aussi avoir l'opportunité de représenter Miss Alliance au concours Miss Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Ah, ça, c'est systématique alors? Ah oui. Ah oui, d'accord. C'est la marche pour. Je pensais que c'était pas obligatoire. Enfin, je veux dire, c'était pas forcément systématique. Si elle avait pas envie de le faire, elle le ferait pas. Et si elle gagne Miss Nord-Pas-de-Calais, au mois de décembre, elle va voir Jean-Pierre Foucault sur TF1. Ouais, pour voilà. Miss France. Pour Miss France. En fait, c'est la première porte. Ah oui, non, ah, mais ça rigole pas. Hein. Ah ouais, non, mais carrément. Et juste avant, on part en vacances pour faire bronzette. C'est ça, ouais. C'est ah, souvent géant. Ça, ouais. Et tu pars où? On sait pas encore. Ah, mais pas toutes les candidates, si. Tu suis pas encore. Hein. Toutes les candidates bah, partent en vacances. Toutes les candidates de Miss France. Toutes les candidates de Miss France. Bah oui. Miss France, encore. Ah, je crois que c'était Miss Alliance. Déjà, Miss Nord-Pas-de-Calais, il y a un petit stage très sympa pendant une semaine dans la région. D'accord. Déjà. D'accord. C'est sympa. On en parlera justement tout à l'heure. Oui, ça résonne par ici, là. Oui. Ça résonne. Alors, Vanina, moi, ce que je te propose, c'est de tirer une boule. Voilà, et Onissa va se faire le plaisir de te poser la question. Des mots. Oh non, on va avoir une ange là quand même. Ah bah. Il va falloir en tirer une autre alors, je suis désolé. Je m'en doutais. Ah bon, c'est, ouais. C'est une question blanche. C'est une question blanche, ouais. Ça c'est plutôt dangereux pour toi, tirer une autre. Ah, oh, des mots encore. Voilà. Ah, voilà, c'était sûr. Alors, choisis deux candidate et donne-nous un défaut pour chacune. Alors déjà, tu peux parler de Margot. Si tu devais donner un défaut. Deux candidates. C'est méchant. Allez, que Margot. Allez, on va dire que Margot. Ouais, allez, on va rester. Mais t'es pas obligé de le penser. T'es pas obligé de le penser du tout. Hein. Ah, je peux inventer. Bien sûr. Ah oui, c'est des mots. Tu m'en voudras pas. je sais pas. Si tu la vois manger des bananes la semaine prochaine, tu comprendras pas. Je pense ça. Donc, un défaut de Margot, peut-être la taille. Ah ouais, peut-être, parce que tu fais quelle taille? 1m71. Ah, c'est juste, c'est la limite. Ouais, voilà. C'est juste la limite. Il faut rappeler que c'est 1m70. Bon, c'est un beau défaut, ça. Voilà. Bon, tu vois, c'est elle était sympa avec toi. Eh bien... Bon, maintenant, dis-nous vraiment ce que tu penses. Hors antenne. Alors, ce qu'on va faire, bon, évidemment, on va vous souhaiter bonne chance, évidemment, pour l'élection. Donc, bonne chance à Margot et Vanina pour l'élection donc, de Miss Alluin, qui aura lieu, donc, je vous rappelle, ce samedi soir, donc, à la salle du manège, à Alluin, bien évidemment, à partir de 19h30. On va se faire une petite coupure musicale et on va retrouver les candidates suivantes. Oui, bah une petite, vraiment petite coupure avec Cyndi Lauper et Girl Just Wanna Have Fun. Oh, ah bah tiens, yeah. Ouais. Allez, c'est parti. I'm not Sabine Paturet et vous êtes sur RQC et c'est 80 à l'heure. Ah bah tiens, dis donc, je suis pas sûr que Sabine Paturel aurait pu se présenter à l'élection de Miss Aluin, trop petite. Ouais, ouais, elle est trop petite, ouais. Ouais, parce que je pense qu'elle fait bien elle fait un petit 1m60 quoi. Je pense, ouais. C'est un petit bout de femme. Un petit bouchon. C'est ça. Bon, vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, bien évidemment, comme tous les mardis soirs, hein, 22h30 avec Onissa. Hello. Avec Flipkat, évidemment. Oui, bonsoir. Ouais, cache ton enthousiasme. Ouais. Oh là, ici. Tu veux que je la fasse comment? Je sais pas, fais-la là. Yeah! Rock'n'roll! Rock'n'roll! Ça va? C'est mieux comme ça. C'est pas mal. Salut les rockers! Bullshit! Ah, hey, tu ris, toi. Fais-la nous en version Casimir. Allez, ah, ouais, dépêche-toi. Oui, bonsoir à tous! Bonsoir à tous! Yeah. Bon, en tout cas, vous avez remarqué qu'on est bien entouré. Enfin, vous l'avez entendu, évidemment, puisque nous sommes avec quasiment toutes les candidates à l'élection. Donc de Miss Aluin, nous sommes également donc avec Monsieur le Maire d'Aluin qui est avec nous et qui nous accompagne aussi et qui accompagne les candidates pendant toute la soirée. Alors là, nous sommes avec les dauphines, puisque il faut savoir une chose, c'est qu'il y a 4 dauphines à l'élection de Miss Aluin et il y a le prix spécial du jury, c'est ça? Voilà, le prix spécial du jury. Alors 4 dauphines, ça fait beaucoup, non? Pourquoi 4 hein? Parce qu'en général, c'est 2, non? Moi, je suis sûr que si vous posez la question aux candidates, elles vont pas vous répondre que ça fait beaucoup. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Bah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, c'est clair. Bah, elles vont nous répondre d'ailleurs. On va demander à Audrey. Mm-hmm. Voilà, Audrey. Donc, de nous répondre. Ça fait, c'est quoi Dauphine? Alors, ça consiste en quoi? Dauphine, c'est avoir déjà une écharpe et c'est pouvoir participer, en tout cas à Aluin, à tous les événements avec la Miss Aluin et pouvoir représenter sa ville. Au même titre, presque, que la Miss Aluin. D'accord. Alors, juste une petite question comme ça. Est-ce que c'est pas trop difficile de jouer au handball avec une écharpe? Alors, volée. C'est du volet. Ah, c'est du volet. Ah, raté. Mais depuis tout à l'heure, tu tapes toujours à côté. Tu vois. Prends des notes. Prends des notes. Bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai marqué. Ah, bah écoute, handball. Félicitations, vous êtes passé en... Et on dit handball. National 1. National 1, ouais. Ouais, voilà. Très bien. Ah ouais, quand même. Super. Ah ouais. Ouais. Non, c'est pas du tout difficile. Je prends ça très à cœur. Le volley, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et de pouvoir représenter ma ville autrement que par le volley, c'est tout un honneur également. Donc, tu es d'Aluin? Oui, je suis d'Aluin. D'accord. Mais il y en a plus que 4, alors, ou 5 qui sont d'Aluin, finalement. De candidates? Ouais. Ouais. Cette année, il n'y en a que 5. Il n'y en a que 5, d'accord. Oui. L'année passée, il y en avait 9 d'Aluin. D'accord. Alors, moi, j'ai une question qui me taraude là, l'esprit, c'est que il y a plusieurs élections dans la région comme ça qui sont officielles ou pas ou, Ah oui. Oui, bien sûr. Alors, je ne les ai pas comptées, mais plus d'une dizaine. Oui, un peu partout dans la région. Vous avez Miss Pével, vous avez Miss Avenois, vous avez Miss Valenciennois, vous avez Miss Caudrézy du côté de Caudry, Cambrai, Miss Dunkerquois, donc Miss Aluin, Miss Tourcoing. Miss Roubaix aussi, c'est vrai. Il y en a même plus que 10. Hein. Oui, oui. Ah, ouais. Peut-être une vingtaine. On avait eu l'occasion d'ailleurs de recevoir Miss Valenciennois, Cheryl. Voilà, Cheryl. Oui, Cheryl Marbach. Je vois bien Marbach. Qui était Miss Valenciennois l'année dernière, je pense. Une belle brune. Oui, absolument. Mm-hmm. Absolument. De toute façon, en général, toutes les celles qui sont mises, elles sont pas vilaines en général. Elles sont jolies. Mmh, ouais. Ah ouais, mmh. Ouais, évidemment. Alors, ce qu'on se propose, donc Audrey, bah, c'est de tirer au sort donc une boule à Sherlock. Et Flipkat se fera le plaisir de te poser une question qui sera soit ange, soit démon. J'ai le droit de changer si. Non, absolument pas. Et non, absolument pas de joker. Pas de joker. Donc il faut que tu le donnes voilà, à Flipkat et il va se faire le plaisir de te poser la question. Verdict. Roulement de tambour. Question démon quand? Alors, mais c'est pas possible. Il n'y a que des démons dedans. Bah ouais. Décidément. Alors. C'est qui vient de sortir? C'est bon. C'est moi. C'est Casimir. Très bon. La question est la suivante. Qu'as-tu de plus que les autres candidates pour gagner le concours? Elle est vache, cette question-là. C'est un argument. Ah, c'est une question démon. Hein, c'est évidemment. Un argument de taille, je crois. Ouais. En parlant de la taille, je pense que j'ai 3 cm de plus, minimum de plus que toutes les autres candidates. C'est vrai, on l'avait je remarqué. Je suis la plus grande, oui. Je crois même que tu es plus grande que nous. Hein. C'est fort possible. Avec les talons, oui. J'ai des talons, oui. Je me suis senti petit tout à l'heure. Ah ouais, moi aussi. Non, mais il faut pas parce que moi aussi, je me sens grande. Ah oui. Tout est relatif en fait. Hein. Oui. J'ai une amie qui fait 1m83, elle me dit t'es trop petit. Bah j'ai non, on va changer les paramètres, t'es trop grande. Voilà, voilà. Absolument. Comme tout à l'heure, monsieur le maire a dit que tu n'étais pas assez, jeune. C'est une façon de voir les choses, voilà. Non, j'avais corrigé l'interlocuteur précédent qui avait osé dire que vous étiez trop vieille. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'était, voilà. C'était une manière plus douce. Exactement. Voilà, mais ça veut dire la même chose. Ça s'appelle un euphémisme. Absolument, absolument. Eh bien, merci Audrey. Et puis donc, bonne chance pour l'élection, évidemment, qui aura lieu ce samedi soir. Je te propose de nous présenter donc Marion, qui est sur ta gauche, deuxième dauphine. Deuxième dauphine de Miss Aluin également. Oui, donc moi je vais rectifier Audrey, je suis quatrième dauphine de Miss Aluin. Ah, il y a un ordre bien. Oui. Ah, il y a un ordre quand même. Il y a première, deuxième, ah, troisième. Oui, c'est ça. Et ça va jusqu'à la quatrième, et après il y a un prix du jury. D'accord. Donc, d'accord. Il y a 6 écharpes en tout. Mm-hmm. Et donc elle, toi tu es la quatrième. Elle te voyait mieux classée. Oui. D'accord. Donc tu es la quatrième. Oui, c'est ça, quatrième dauphine. Et qu'est-ce que tu fais de Boulogne-les-Vignes? Alors moi je suis en école de commerce sur Lille. Mm-hmm. Je viens d'intégrer un master en ingénierie d'affaires. Ah ouais, quand même. Mm-hmm. Donc, Excusez-nous un peu. Ah, en plus, t'as pas, à ton âge, quand même, t'as pas perdu de temps, quoi. J'ai ni redoublé ni sauté de classe. J'ai la fait quelque chose normal. Ah ouais, bah ouais. C'est là où je sais pas si le bac. C'est ça, d'accord. Et donc oui, alors tu as été élue dauphine, mais tu avais le droit aussi de pas te représenter. Non, c'est pas obligatoire. On n'était pas obligé du tout. Mm-hmm. Moi, j'ai voulu tenter l'expérience, et même pas pour gagner les chars. Bon, j'avoue que être Miss Aluin, c'est bien aussi, mais je voulais juste retenter l'expérience et pourquoi pas gagner encore une écharpe de dauphine pour continuer à faire les événements, parce que je pense qu'avec Audrey et les autres dauphines, ben, on s'est bien entendu pendant toute l'année. Et quel événement vous a le plus plu en fait? Moi il y en a un surtout, c'est il y a plusieurs banquets des aînés qui sont faits durant l'année. Mm-hmm. Et donc là on rencontre plein de personnes, on danse avec eux. Ça a été vraiment des événements très très agréables. Ouais, c'était bien. Top. Mm-hmm. Vous avez peut-être croisé Flip 4, non? C'est pas très gentil ça. C'est tellement réaliste. Je ne dirai rien. Bon, Marion, tu vas nous tirer au sort donc une petite boule, si tu veux bien. Alors moi, j'ai jamais de chance. Oh, t'inquiète. Et c'est notre ami Sherlock qui va poser la question. Bah ouais, quand même. Avec la voix de Casimir. Avec la voix de Casimir. Bon, okay. Ah, c'est une question ange, j'espère. Parce que là, on va se poser des questions. Hein, c'est vrai. Je ne sais pas. Alors. Oui, c'est une question ange. T'as plus de chance. Ah, mais ça veut rien dire. Ah ouais, j'allais dire, attends. Ça devrait être assez facile. Alors. Quel est le nom de la présidente du comité Miss France? Ça je sais, c'est Sylvie Tellier. Oui, bonne réponse. Bien, je peux dire l'ancienne, si vous voulez. Et l'ancienne, c'était Geneviève de Fontenay. Bah ouais. Bah oui, évidemment. La dame au chapeau. Eh bien, vous allez profiter, mesdemoiselles, d'une belle chronique que nous, on adore, qui s'intitule la Ciné Rétro 80. Oui. Eh bien, à toi de jouer, mon ami Sherlock. Je m'éclaircis un peu la voix. Vas-y, vas-y. Allez, c'est parti. Nom de Zeus, les amis! Montons vite dans la DeLorean et partons vers l'année 1981! Il y a monsieur le maire qui avait envie de dire retour vers le futur, mais non, c'est générique. Non, ça c'est juste le générique de la chronique. Rappelle-nous le principe pour le principe pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission. Donc la chronique Ciné Retro 80, en fait j'ai regardé un film des années 80 cette semaine que je vais essayer de vous faire deviner. Donc il y a quelques petits extraits sonores et notamment des musiques du film et des extraits de dialogue. Je vais vous donner aussi quelques petits faits sur le film et je vais après revenir sur quelques anecdotes. Ouais. Alors, voilà. Il faut préciser, si jamais, par chance, vous trouvez le titre du film, il ne faut pas l'annoncer. Vous donnez, posez des questions, vous donnez des petits indices. Mais mettez vos petits camarades sur la voie. Voilà. Surtout moi, parce que je suis nul. Bon. On va commencer avec la seule chose qu'Onissa peut me dire, c'est que le film est sorti un 24 août 1981. Un mercredi. Oui, c'est oui. Ça, c'était un mercredi. C'est toujours un mercredi. Les sorties ciné se font toujours le mercredi, et ce, depuis des années. Donnez-moi. C'est la seule réponse que je connais. Voilà. Donc ensuite, on l'entend tu plus du tout, Onissa. Tu vois que ça passe bien quand on ne connaît pas. C'est vrai. C'est vrai, oui, effectivement, c'était un mercredi. Il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance au bar, c'est pas ce qui se passe. Alors, apparemment, ils écoutent l'émission et... Ils sont contents pour toi, c'est ça. Donc, alors, je peux vous dire que le film a fait 551 730 entrées au box-office français. C'est pas énorme, hein. Ah non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, non. Mais il a quand même gagné les meilleurs effets spéciaux et le prix de la critique au festival du film de Catalogne et un Saturn Award, donc c'est un film, c'est les films anglais, on va dire de science-fiction, ouais. Pour le meilleur film à petit budget. Ah bon ? D'accord. Ouais, alors, est-ce que ça vous met un peu sur la voie ? Pas du tout. Bon, voilà. Donc c'est un film anglais déjà. Moi je pense que ça va être difficile. Alors non, c'est pas forcément anglais, c'est... Non, c'est, c'est un film américain. D'accord. La musique est de Joe Loduca. D'accord. Je dis ça parce que je sais que vous n'allez pas trouver tout de suite. Il n'est pas obligé de répondre. Hein. À moins qu'il y ait un fan de Joe Loduca qui soit autour de la table. Et là, je suis crié tout de suite. Mais Ah, j'ai tous ses disques, moi. Ouais. D'accord. Bon. Donc, tu vas forcément reconnaître le premier extrait qui est celui-ci. Alors, science-fiction ou épouvante ou plus épouvante, effectivement. Ouais, c'est ça, parce que compte tenu de la musique, c'est pas science-fiction. C'est pas très rassurant comme musique. Oui, non. C'est ça, mais c'est fait pour. C'est fait pour. Alors, j'ai à l'informatique sur internet qui me dit le facteur sonne toujours deux fois. Non, ce n'est pas le facteur sonne toujours deux fois. Moi, si je peux lire, pour l'instant, je reste sur la touche. Hein. J'ai fait cette chronique-là il y a quelques semaines et donc je ne reviens pas sur les films que j'ai fait. Est-ce qu'il y a eu plusieurs épisodes? Oui. Ouais. Est-ce que c'est un prénom? Le titre? Non. D'accord. Ah, tu pensais à Chucky? Non. Ah non. Non. Je pensais à Damien. Ah non, c'est pas ça. Ah. C'est pas Damien la malédiction. Ouais, mais de toute façon, c'est toujours comme ça. Alors, est-ce que... Bon, je vais vous donner des noms d'acteurs qui ont joué dans le film. Il y a David Horton, Cheryl Guthridge, Robert G. Tappert, Sarah York, Teresa Tilly, Betsy Baker, Richard De Manincor, Hélène Sandweiss. Ah bah on est vachement avancé. Hein. Je vous donne pas le prénom de l'acteur principal. Ouais. Parce que forcément, vous allez le trouver assez rapidement, si c'est d'accord. Ça. D'accord. Ok. Bon. Alors, je vais vous passer un autre extrait. Alors, âme sensible, s'abstenir. Ouais. Écoutez bien. Oh, attends, laisse-moi deviner. C'est un set. La couleur? Carreau. Nom de cœur. Oh, fantastique, set de cœur, bravo. J'ai deviné la carte. Ah oui, c'est épatant. Peut-être que j'ai des dons de télépathie. Oui, allez, on continue. C'est un set. Encore trouvé. Reine de pique. Quatre de cœur. Huit de pique. Deux de pique. Valet de carreau. Valet de trèfle. Ah, avoir dérangé notre sommeil. Pourquoi avoir troublé notre antique repos? Vous mourrez comme tous ceux qui vous ont précédé. L'un après l'autre, nous allons venir vous prendre. Alors... Est-ce qu'il y a eu trois épisodes? Oui. D'accord. Est-ce que l'acteur principal est plutôt italien? Enfin, non, il n'est pas italien, mais... Non, il n'est pas italien, non. Mais le réalisateur? Le réalisateur, oui, doit avoir des origines italiennes, je pense. Ouais. Est-ce que... Du fait de son nom... Ils ont eu peur. La question est la suivante. Est-ce que le premier épisode était plutôt sérieux, le deuxième un peu moins, et le troisième complètement le délire, quoi? Oui, c'est ça. D'accord, ok, bah je vois. Voilà. Je ne joue plus. Okay. Allez, Harry a trouvé. Voilà. Harry a trouvé. Ouais. Alors. Mais comme d'habitude. Monsieur le maire, est-ce que vous avez une petite idée? Ah, mais alors, pas du tout. Je suis sûr que vous l'avez vu. Hein. Et je trouvais que. Alors, le film est en deux mots. Enfin, le titre du film est en deux mots. Hein. Le dialogue là entre les dames, ouais. Ça faisait plus années 50 que 80, j'ai trouvé. Mais ouais. Je vais vous passer une autre musique du film. C'est un moment qui est crucial. Un peu plus. Ouais, c'est une scène un peu plus violente. Écoutez. Alors, ça se passe, allez, je vais vous aider un petit peu, ça se passe dans la forêt. Oui. Et là, c'est une scène, on va dire, de viol avec des branches d'arbres. Ah oui, c'est vrai, affreux. Mais quelle horreur qu'un film. Sérieux. Moi, je regarde jamais des films pareils. Ouais, faut être barré, hein, je te le dis, Charles. Il a choisi son émission quand on est candidat. C'est vrai, ouais. Mais oui. C'est très fin, c'est... Mais je me suis dit, les filles vont avoir peur, elles vont se coller à moi tout de suite. Mais oui, ça marche pas en fait. Non, ça marche pas. Non. On est un bon. Peu loin quand même. Trop loin. Est-ce que ça voilà. Veut dire que c'est possible. Voilà. Ah, voilà. Alors j'ai une chaise qui est juste là. Il y a ses genoux. Est-ce que le titre commence par un C? Pas du tout. Non, donc c'est pas ça. A B. Tu pensais à quoi? A F. Non, non, c'est parce que je pensais à une série qui est. C'est vrai que. Je pensais à la série des Club Show en fait. Ah, ouais. Ah non, non, non, c'est pas ça. Il y a deux mots dans le titre, c'est ça? Oui, il y a deux mots. Ouais. Est-ce que l'un des deux mots est-ce qu'on peut trouver un des deux mots sur un calendrier? Non. Ou alors c'est un drôle de calendrier. C'est ça. Ouais. La réponse est non. Donc la réponse non. C'est clair. Ok, merci. Bah, j'espérais de savoir le titre pour savoir le calendrier. Est-ce que l'un des deux mots est un prénom? Pas du tout. Bon, bah donc c'est pas ça non plus. Alors, et vous pensiez à quoi? Que là, ah vous... non, mais non, ça je vais pas le dire, je vais le garder pour moi parce que si ça tombe, c'est pas du tout des films des années 80. Ah non, mais c'est pas grave, je pensais à Saint-Valentin. Ah, peut-être, mais c'est pas ça. Non. Et là, Saint-Valentin, c'était plus tard. Alors, je vais vous donner le dernier extrait du film. Là, c'est un extrait de dialogue également, et ensuite on reviendra, je vous donnerai le pitch du film, et là, à mon avis, ça vous mettra vraiment sur la voie. Écoutez. Aide-moi, s'il te plaît. Oh, je t'en prie, ne la laisse pas me reprendre. Je t'en prie, je t'en supplie. Aide-moi, fais-moi sortir d'ici. Aide-moi à sortir. C'est moi, Cheryl. T'es tout à fait bien maintenant. Je suis redevenue normale. Ôte cette chaîne et laisse-moi sortir. Cheryl? C'est tout à fait bien maintenant. Ôte cette chaîne et je vais sortir. Je suis redevenue normale. Il y a un petit côté Onissa dans le rire, je trouve. C'est ça, ouais. Mais que le rire. Effectivement. Hein. Non, bon, je vais vous donner le pitch du film parce que je vois que ça ne vous a pas avancé beaucoup. Donc, je vais vous donner les noms des personnes du film. Il y a Ash, sa fiancée Linda, Cheryl, une amie. Et Scott et Shelley, un couple d'amis qui partent en vacances dans une cabane perdue dans la forêt. Déjà, c'est le pitch des films d'horreur. Ils partent dans un coin paumé, toujours où il doit y avoir eu des meurtres ou des trucs comme ça. Il n'y a pas d'internet, voilà, pas de réseau. C'est ça, mais non, c'est dans les années 80. Ouais, bon, c'est vrai que à l'époque, ça n'existait pas. Bon, Minitel 3615. Tout de même. Alors, donc, peu après leur arrivée, la trappe du sous-sol s'ouvre toute seule. Tatatin ! Scott et Ash y découvrent un livre avec un magnétophone. L'enregistrement contenu leur révèle que cette maison était celle d'un archéologue qui s'était retiré ici pour étudier un livre intitulé « Le livre des morts » ou « Necronomicon ». Ah oui. Relié en peau humaine et écrit avec du sang humain. Le Necronomicon contient des incantations permettant de réveiller les esprits maléfiques en sommeil. Cheryl, qu'on a entendu dans l'extrait, demande d'arrêter le magnétophone, mais Ash continue d'écouter l'enregistrement. Le cauchemar commence alors pour la bande d'amis qui vont se retrouver possédés les uns après les autres. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bah oui, évidemment. Bah oui, mais forcément, tu l'as trouvé depuis 10 minutes, toi, déjà. Le titre est anglais, en fait. Oui, titre est anglais. En deux mots, d'accord. Oui, en deux mots, c'est ça. C'est assez gore. Oui, bah, je m'étonne. Ouais, quand même. Et c'est vrai que le deuxième est plutôt. C'est pas très sérieux en fait. Non, le troisième est complètement loufoque. Hein. Ouais. Bah déjà le deuxième. Le deuxième aussi. Ouais. D'accord. Ouais, alors. C'est bien, on est d'accord avec vous si on savait ce que ça commence. Alors, le titre commence par. Je peux vous mettre sur la voie, le réalisateur du film a également réalisé la première trilogie des Spider-Man qu'on a vu au cinéma dans les années 2000. Ouais, bah, bon. C'est le même réalisateur. Mmh. Le titre commence par. Ça vous aide pas du tout. Oui, ouais, donc c'est Sam Raimi qui a réalisé. Non. Ouais, non, moi j'attends le quatrième pour me faire une opinion. Ouais. Ok, ah bah. Il y a eu une série également là-dessus. Alors. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ben non. Le nom de l'acteur principal, c'est Bruce Campbell. Ouais, absolument. Moi, par Bruce Willis. Oui, il n'est pas d'Aluin, lui. Non. Non, c'est vrai, il n'est pas d'Aluin. Alors bon, je crois que... Tu peux donner la réponse, hein, je pense. Vous êtes deux à l'avoir trouvé. Oui. Allez-y. Ah, tu donnes le premier mot et moi je donne le deuxième. Evil Dead. Voilà. Evil Dead. Non, même avec le nom. Ah, effectivement, c'est années 80. Si vous n'étiez pas né, bah après, tout le monde connaît Napoléon. Il n'était pas né quand nous on est arrivé. Hein. C'est vrai. Alors bon, Evil Dead devait à la base se titrer Book of the Dead, du nom du livre découvert par les jeunes dans la cabane. Un titre que le producteur a préféré changer, craignant qu'une référence trop littéraire ne fasse fuir le jeune public. Alors déjà, il visait un jeune public, c'est pas. C'était interdit moins de 18 ans. Ben ouais, mais il visait déjà un jeune public. Ouais. Donc, alors, question de budget ou non, Evil Dead est avant tout une histoire de bons copains. Sam Raimi connaissait en effet Bruce Campbell, donc qui joue le rôle de Ash, et Hélène Sandweiss, qui joue le rôle de Cheryl, depuis le lycée, et avait rencontré Robert J. Tappert et le responsable des effets spéciaux à l'université, au sein de laquelle Sam Raimi et Robert Tappert avaient lancé une association cinématographique qui projetait de petits films tournés par les deux compères. Les frères Cohen, co-scénaristes de Mort sur le Grill en 85, le deuxième film de Raimi, ont aussi participé à Evil Dead. C'est Joel Cohen qui co-signe le montage d'Evil Dead. Ah, bah ça alors, j'aurais jamais pensé. Alors le tournage s'est étalé sur 2 ans et 11 mois. C'est énorme. Ah bon ? Ah ouais. Si les principales prises de vue du film ont été tournées entre novembre 79 et janvier 80, Sam Raimi a encore passé plusieurs mois à filmer certains plans rapprochés et à finaliser certains effets spéciaux. Donc notamment les scènes dans les caves ont été tournées 6 mois plus tard, dans le sous-sol de la ferme des parents de Robert Tappert. Et d'autres scènes ont été filmées dans la cave des parents de Sam Raimi à Détroit. Et faute de budget, le travail dut subir plusieurs interruptions, dont une de 4 mois. D'accord. Bon, quand on voit le résultat, ça a vachement vieilli hein, quand même. Ouais, vieilli, mais à l'époque, c'était quelque chose... Ça a beaucoup vieilli. Alors, pour beaucoup dans la réputation d'Evil Dead, justement, les effets spéciaux du film ont bénéficié de l'inventivité de Raimi, Tom Sullivan et Bart Pierce, les deux responsables des effets spéciaux. Parmi les techniques utilisées, l'animation image par image, donc pour les séquences de décomposition des cadavres, super. Ouais. L'incrustation de trucage sur les plans déjà tournés, donc l'attaque des arbres par exemple. Les moulages de latex ou l'emploi de verres de contact spécifiques pour les yeux des zombies, que les acteurs ne pouvaient porter plus de 15 minutes d'affilée. Tellement apparemment ça leur brûlait les yeux. Ah bah oui, mais tu m'étonnes. Et donc pour figurer la décomposition des cadavres, du sang et des abats d'animaux étaient agrémentés de quelques insectes grouillants. Génial. Enfin, le sang des victimes était une composition maison composée d'eau, de colorants, de sirop et de café lyophilisé utilisé pour rendre le liquide plus épais. Déjà à l'époque, ils avaient quand même pas mal de... d'imagination. Pas mal d'imagination. Et enfin, dernière petite anecdote, Sam Raimi inventa une caméra nommée la Shaky Camera pour les besoins du film. L'appareil était fixé sur une longue tige à l'aide d'axes coulissants qui lui permettaient d'être toujours en mouvement. Pour une scène où l'esprit fonce au-dessus du lac, Sam Raimi était allongé au niveau de l'eau sur une frêle embarcation tirée par Bruce Campbell, et le plan où Bruce Campbell et son fusil sont filmés à l'envers avant que l'image ne se redresse, en fait on le voit dos et l'image revient devant lui, c'est Sam Raimi qui a donné de sa personne en étant attaché au plafond par les pieds pour se redresser à la force des bras tout en filmant. Waouh! Eh ben, mais quand on voit le résultat... Donc c'était vraiment un film à petit budget, hein. Ils n'avaient pas les grues... Les grues, l'énergie, tout ça, évidemment, c'est à 1980, c'est ça. Donc ça vous parle, Gustave, ou pas? C'est le film parfait, apparemment, en fin de soirée, pour s'endormir. Tout à fait. C'est ça, ouais. On va dire ça. Alors, c'est vrai que ça n'a pas fait un succès au cinéma, mais par contre, en VHS, ça a fonctionné du tonnerre. Absolument. Les vidéoclubs, ils faisaient des ventes énormes avec ça. Ouais, ça a marché du feu de Dieu. Bah, c'était la même époque que Massacre à la tronçonneuse. Oui, exactement. Oui. Ouais. Eh bien, merci. Merci pour cette rétrospective sur Evil Dead. Et à l'informatique, l'avait trouvé. et à l'informatique avait trouvé. Donc, moi j'ai une question. Les 550 000 spectateurs, c'est en France, c'est en Belgique? C'est en France. En France. Bon, il est sorti, okay. il n'est pas sorti très longtemps. Hein. Je crois qu'il est sorti 4 ou 5 semaines, grand maximum. Donc c'est peut-être ça aussi qui a joué. Hein. Ouais, ouais. Et puis bon, à l'époque, c'était un des films, on ne voyait pas ça dans toutes les salles. Hein, non, c'était le genre de film gore. Parce que j'allais dire, c'est quand même un film, c'est une série, on peut appeler ça comme ça. Ouais, ouais, bien sûr. Qui a eu un franc succès, c'était connu. Oui, oui. Et c'est étonnant que c'est fait si peu d'entrées, en fait. Bah ouais. Bah, en fait, ça marche mieux quand tu fais les soirées vidéo, comme on faisait là. Oui, même c'est ça. Moi, c'est à partir de cette époque-là que j'ai une overdose, parce que quand je revenais de l'armée en Perm, tous les week-ends, mon père faisait provision de vidéoclub de, ah, de oui, films. Oui, sur les 10 cassettes, il y en avait 9, c'était films d'horreur. Donc maintenant, j'ai overdose. Il y avait peur que tu bifurques sur autre chose. Hein, donc il a dit, on va faire un app. Ah oui, oui, bon. On va préparer le week-end. Moi, j'ai été bercé avec ça. Dès l'âge de 4 ans, je regardais déjà des films d'horreur. Pareil. Ouais, bah, on voit le résultat, hein, les garçons. Alors, j'ai des réponses pour la deuxième question, donc, qui était combien d'habitants compte à 500 près. Donc, à l'informatique, m'avait donné le chiffre de 18 994. J'ai également Marjorie Baraniki qui me note, oui, oui, 18 994. Ouais. Donc, ce n'est pas ça. Gustave, c'est pas une bonne réponse, ça. Hein. C'est pas 18, à 500 près. 18 994. Ah non, à 500 et près, et j'ai pas bon, Sylvie c'est Gossard, bon, par contre, qui me donne le chiffre de 20 748. Ouh. Ah, on est plus proche de 20 748 à 500 près, c'est à gagné. 500 près. Ah, c'est gagné. Voilà. Donc Sylvie, qui remporte donc une place, pour l'élection donc de Miss Aluin ce samedi soir à la salle du manège. Elle aura l'occasion donc de voir les différentes candidates défiler et également donc la première et la quatrième dauphine qui sont avec on nous. On t'attend, Sylvie. Audrey et Marion. Voilà, donc pensez à venir vers 18h30 avec votre pièce d'identité, ce sera voilà, plus pratique. Voilà, quand même, absolument. Et on communiquera ton nom, Sylvie, évidemment, donc à la personne responsable, il suffira d'aller à l'entrée. Hein. Et je précise que donc la gagnante du jeu verra aussi Miss France 2007. Ah oui. Non pas 2017, mais Miss France 2007, qui s'appelle Rachel Legrain Trapani et qui avait été Miss Picardie auparavant, qui avait été élue à l'âge de 19 ans, donc elle n'a que 29 ans, et elle est encore très très jolie, et elle sera là. Ah ben bah c'est bien ça. Eh ben c'est noté. Nous on va se quitter, on va se faire une petite coupure musicale. Hein. On va pas se quitter maintenant. On va retrouver évidemment les prochaines candidates à l'élection de Miss Aluin, juste après cette coupure musicale, Sherlock. Hein. Oui. Oui. Bah, allez, oui. On va faire un ABC song. Allez, vas-y. Un ABC song. Allez, vas-y. Allez. On va demander à Audrey au pif. ABC song. Une lettre, un chiffre. Une lettre, alors, un chiffre. Ah, donne-moi une lettre et un chiffre. Bon, ben, A comme Audrey. Ouais, okay. Bah oui. 12, c'est mon numéro de maillot au volet. Yeah. D'accord. Ah, okay. Coulé. Touché, coulé. Ils vont se calmer à côté. Ah oui, ils font du tintamarre. C'est bien. Je coupe. Voilà. Je coupe la musique. Avec AC/DC et You Shook Me All Night Long. Ah bah c'est sympa ça. Allez, c'est parti, c'est du gros rock là. Allez. C'est du bon son. Yeah. Et oui, alors là, on est un peu troublé, hein, parce qu'on est encadré évidemment de jolies femmes et du maire de Daluin aussi. Il hein, ne faut pas l'oublier, monsieur le maire qui est avec nous, qui nous fait. Ah, Onissa, s'il te plaît. S'il te plaît. Alors, effectivement, donc, on vous rappelle que c'est un événement à ne surtout pas louper, hein, puisque c'est ça se passe ce samedi soir, donc à partir de 19h30, à la salle du manège à Aluin. Gustave, alors, dites-nous, pour réserver, comment peut-on faire encore aujourd'hui? Alors, les places sont en vente à la mairie d'Aluin, dans les heures d'ouverture. Et elles sont en vente aussi sur le net. On peut faire le paiement en ligne, c'est très pratique. Donc c'est le site de la ville d'Aluin. Donc soit on tape sur Google, Aluin, et voilà, c'est le site officiel de la ville, il arrive tout de suite. Ou alors c'est l'adresse exacte, c'est www.aluin.fr. Aluin.fr, c'est très facile. Ouais, mais je suppose que si on fait une recherche élection Miss Aluin, évidemment, vous allez retrouver facilement tout ça sur le net. Alors, nous sommes avec les candidates suivantes. Nous sommes avec Élodie et Sephora, mais on va commencer par s'occuper du cas d'Élodie. Bonsoir, Élodie. Bonsoir. Alors, approche le micro. Voilà, qu'on t'entende bien. Voilà. Alors, on veut tout savoir sur toi, ton âge, ce que tu fais, les études, profession, enfin voilà. La taille, le poids, tout. Tout. Alors, moi, j'ai 24 ans, je m'appelle Elodie, je suis infirmière et je poursuis mes études en tant que puéricultrice. Que veux-je dire d'autre? Je suis quelqu'un qui est assez sportif, passionné de danse et de gym. Ouais, danse et moderne? Danse de salon. Ah, oh, la classe. J'adore ça. Quel type de danse Tout ce qui est danse latine, cubaine, donc salsa. Ah, j'adore ça. 1, 2, 3. J'en ai fait un peu de la salsa, j'adorais ça. Vraiment. moi j'ai beaucoup regardé Dirty Dancing, par contre, mais sinon, hein? Non. Mais je sais pas si il n'y a pas beaucoup de salsa dans Dirty Dancing. Non, dans Dirty Dancing, il n'y a pas beaucoup de salsa. Non, il n'y en a pas beaucoup. Non, il y a plutôt du merengue et du cha-cha. T'as pas fait de salsa, mon ami? Non. Et ouais. Mais c'est gay, pourtant, je jure, c'est super agréable. Et Elodie nous fera une petite démonstration tout à l'heure de salsa. Tu vas nous trouver un titre salsa, là. Qui est quand même une danse assez, justement, assez lascive, hein, je veux dire. C'est quand même une danse sensuelle. Ouais, ouais. C'est beaucoup dans la séduction. C'est ce qui m'avait gêné, moi, à l'époque, quand j'ai pris des cours de salsa. C'était trop sensuel. Oulou. Bah ouais, parce que tu choisis jeune, pas. Tu alors. Non. Ah oui, c'est parce que tu choisis pas ton partenaire. Ça dépend. Il y a des moments. Non, non, non, ouais, bon. Bah aujourd'hui, je le sens pas, j'ai pas envie. Alors, tu vas nous tirer donc une boule. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise? Non. Je sais pas. Ah bah tiens, Flipkat va se faire le plaisir de te poser une question qui sera soit ange ou démon. Hein? Ange. Ah, bon, bien. C'est une question sympa alors pour Elodie. Oui. Joli avant, hein? Ouais, parce qu'il a pas ses lunettes. Ouais, donc voilà. Il doit lire une. Non, mais ça va. Là, c'est bien. La prochaine fois, tu penseras en faire en braille, tu sais. Non, mais là, j'y arrive, enfin, y a pas de souci. Alors, si tu gagnes, as-tu l'intention d'aller plus loin en te présentant aux élections régionales puis nationales? Alors je pense, de toute façon c'est évident que la réponse est oui, après je pense qu'une fois que vous participez aux élections Miss Aluin, vous vous engagez pour poursuivre ensuite l'aventure, donc oui. Ah c'est d'accord. Obligatoire. Bah, on signe en fait un papier disant qu'on atteste que oui, on poursuivra l'aventure par la suite, parce que forcément... Parce que si demain tu étais élu donc Miss Aluin, tu peux pas t'arrêter là, tu peux pas dire bon bah j'en reste là. Non, ensuite on est engagé à poursuivre Miss Nord-Pas-de-Calais, et pareil, celle qui a la chance d'être élue Miss Nord-Pas-de-Calais, elle poursuit en tant que Miss France. Mais alors, et ça c'est compatible avec des études et un métier? Parce que après ça devient quand même assez... C'est pesant, non? Enfin, c'est prenant, faut pas dire c'est prenant, mais je pense que franchement on peut compatir. C'est tout à fait compatible. Ouais, c'est compatible. Ouais. D'accord. Bah, à partir du moment où c'est leur passion. Oui, peut-être, oui, certainement. Eh bien, merci Elodie. Mais tu vas nous présenter ta collègue et non moins concurrente qui s'appelle Sephora. Exactement. C'est beau comme prénom. Ouais, j'allais dire, ses patients, eux, on le prend en écharpe, elle aura l'écharpe tout court. Oh là là là là, bravo. Et ben bon, ça vole haut, hein, dis donc. Bah, écoute, j'essaie de me renouveler dans la blague. Merci, Philippe Bouvard. Alors, Sephora, si tu veux bien prendre le micro, te présenter, voilà. Bonsoir. Déjà. Bonsoir, Sephora. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Alors, bah, je suis coiffeuse. Et tout ce qui est passion, c'est tout ce qui est fitness, danse, la mode, les photos surtout. Et puis les animaux, j'adore les animaux. J'ai deux chats, donc voilà. Non, quelle horreur. Moi, j'aime bien les chats. Non, si, c'est sympa les chats, c'est sympa. Et alors, dis-nous, justement, pourquoi tu te présentes à l'élection de Miss Adjoint ? C'est une première expérience pour toi ? Oui, voilà, c'est une expérience pour moi parce que j'ai déjà fait un concours et là, c'est mon deuxième. Et j'aimerais bien être Miss France, quoi, la prochaine. C'est mon rêve, en fait. Mais c'est bien d'avoir de l'ambition. Hein. Oui, voilà. Ah bien sûr. Mmh. Ah, mais complètement. Mais de toute façon, si c'est votre objectif... Parce que le but, quand même, c'est de gagner une écharpe. Ah ouais, bien sûr. Et alors, dis-nous... Une voiture, un appartement... Ah oui, elle prend ce qu'il va avec. Bah oui, forcément. Absolument. Eh bien, tu vas nous tirer au sort une petite question. Tu nous as pas dit ton âge, c'est vrai. J'ai 20 ans. 20 ans. Ouais, voilà. Je veux tout savoir. Ah, oui, je sais. Qui va la lire ? Sherlock. Sherlock, allez, Sherlock, fais-toi plaisir. Allez, Casimir. Alors, est-ce que c'est une question ? C'est Casimir qui doit la lire ? Ah ouais, là. Allez. Alors. Ah, c'est une question démon ! Ouais ! Alors. Jusqu'où es-tu prête à aller pour porter le titre de Miss ? Quelle vacherie pourrais-tu faire ? Ah ouais, mon Dieu. Lâche-toi. Quelle vacherie je pourrais faire. Tout à l'heure, il y en a qui nous ont parlé de peau de banane. Ouais, peau de banane, tu sais, pour en plein dans le défilé. Quelle vacherie je pourrais faire. On se doute que tu ne le feras pas, mais c'est une question démon en fait. Hein, Mais je crois qu'à Miss Univers, ils se sont fait des vacheries, non ? Entre elles, je pense. J'ai cru entendre ça. Ils s'en sont fait. Ouais, mais l'huile de tournesol sur. La scène pour qu'ils glissent. Tu vois, ils ont l'imagination quand même. On reste dans le même trip hein, quand même. C'est quand même le défilé qui stresse le plus quand même. Carrément. Eh bien, écoute, merci Sephora et merci évidemment à Elodie. Mais justement, j'avais une petite question. Ouais. Pendant le défilé, il y a quoi alors comme passage ? Il y a passage en maillot de bain. On en parlera tout à l'heure, juste après la coupure musicale. Ok, d'accord, très bien. Je vois que je suis censuré, d'accord. Ouais, pas du tout. Mais moi aussi, j'avais une question. En plus, tu nous as coupé. Tu ne t'inquiète pas, c'est pas fini d'émission. Franchement, tu nous as frustré. Mais non, t'inquiète. Juste après cette coupure musicale, tu pourras poser ta question, Anissa. Sherlock aussi. Bah, oui. Sherlock d'abord. Hein. Voilà. Bon, ok, ça marche. Alors, on remercie donc évidemment. Quelle saloperie, celle-là. On remercie Elodie et Sephora. Et puis, bonne chance pour samedi soir. Amusez-vous bien, faut profiter un max. Absolument. Eh bien, on va se retrouver juste après les vertiges de l'amour d'Alain Bachung. Vertiges de l'amour. Allez, c'est parti. J'ai du rêve. J'ai crevé l'oreiller. J'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés. Quand Gisèle clappe. J'aurais pas dû ouvrir à la Rockin' Carmelite. La mère sup m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Y'a dû y avoir des fuites. Oh oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués. Puis y'a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. J'veux le feuilleton à la place. Oh oh, vertige de l'amour. Tu chopes des cheveux à Saigon. J'm'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je vais me découper. Suivant les points, des points qui viennent. Vertige de l'amour. Désir fou que rien ne chasse. Cœur transi reste sourd. Au cri du marchand de glace. Non mais t'as vu ce qui passe. J'veux le feuilleton à la place. Oh, vertige de l'amour. Mon légionnaire attend qu'on chante. Et la tranchée vient d'être peinte. Bonjour, c'est les frères Taloche. Ça, j'aurais pu le dire aussi. Et nous sommes avec Harry. Mais sur RQC 95 FM. Sur RQC 95 FM. On peut pas dire 95. Ah, tu vois, 95. Bah, de redis-le alors. Salut, c'est Bruno Taloche avec Harry sur RQC 95 FM. Oh, tu fais bien. Voilà. Allez, au revoir. À bientôt. Et oui, comme il le dit si bien, vous êtes toujours dans l'émission 80 heures sur RQC 95 FM, évidemment, comme tous les mardis soirs, de 20h à 22h30. Maintenant, vous le savez, depuis quelques années que nous professons sur cette antenne, n'est-ce pas, Sherlock ? Oui. N'est-ce pas, Flipcat ? Oui, tout à fait. N'est-ce pas, Onissa ? Eh oui. Eh oui. Alors, donc, ce soir, nous sommes, vous l'avez compris, en compagnie, donc, d'une bonne partie, en charmante compagnie, évidemment, d'une bonne partie des candidates, donc, à l'élection, donc, de Miss Aluin. Qui aura lieu donc ce samedi soir à partir de 19h30 donc à la salle du manège. Donc c'est dans le centre hein, d'ailleurs, ça, la salle du manège. Tout à fait, c'est dans le centre-ville. Voilà, c'est dans le centre-ville. Place Jacquard. Place Jacquard, voilà, allons-y. Le numéro de téléphone, non, on l'a pas ? Ouais, je le connais pas par cœur. Bon. Et alors ? De toute façon, si vous souhaitez réserver, évidemment, hein, il y a le site internet de la mairie, hein, www.alu1.fr. Vous avez aussi, certainement sur Facebook, il y a des informations qui traînent. Où vous allez directement en mairie pour aller retirer vos places. Il y a des permanences, vous appelez la mairie. Et puis je suis sûr que vous allez pouvoir trouver un moyen donc, de prendre vos places. Alors tout à l'heure, on avait posé la question justement sur le nombre d'habitants, mais on n'avait pas donné le nombre de la gagnante. On avait donné le nom de la gagnante ? Oui, d'accord. Bon, c'était Sylvie Gossard. Voilà, oui, donc voilà. Sylvie Gossard qui a gagné. Et donc, il y a une nouvelle question pour gagner deux places maintenant, c'est non. ça ? Il reste une place normale et une... Ouais. Alors, on fait gagner quoi ? On fait gagner une place traditionnelle ? Oh, je pense, oui. Il faut garder la place carrière pour la fin. Avec une question un peu plus... Pour qu'ils écoutent jusqu'au bout. Voilà, péchu. Absolument. Un peu plus péchu. Hein. Alors, est-ce que ça peut être une des candidates, justement, qui pose la question ? Ah, une question qui est en rapport avec Miss Aluin. Mais elles ne la connaissent pas, la question. Ah ouais, c'est vrai. Donc ça va être un peu plus compliqué. Donc on va demander à Gustave, si vous voulez bien, nous poser une question. Alors, quelle question ce serait ? Elles connaissent que la réponse. Donc il faut qu'elles se taisent. Ah ouais, elles la connaissent. Ah ouais, non, vous ne dites rien, absolument rien. Hein. Vous ne parlez pas. Alors, la question est la suivante. Combien y a-t-il de candidates pour l'élection de Miss Aluin cette année ? Ah, combien de candidates cette année, en sachant que l'année dernière, il y en avait 14 et que cette année, il y en a un peu plus. Oui, à 50 près, on va dire. Hein. Voilà. il nous faut le nombre exact. Ah ouais, le nombre exact de candidates. Et si vous nous donnez donc la bonne réponse via notre page officielle, donc émission 80 à l'heure sur Facebook, eh bien, vous aurez la possibilité de remporter une place donc, pour les élections qui auront lieu donc, ce samedi soir. Donc à la salle du manège à Aluin. Hein. Sherlock, tu avais une question tout à l'heure avant la coupure musicale. Oui. Alors oui, je demandais qu'est-ce qu'il y avait comme passage justement sur scène. Il y a les passages en robe de soirée ou robe de mariée ou robe... Pas de robe, oui, voilà. C'est ça, je voulais venir au-dessus. Alors, il y a peut-être... J'allais commencer par ça, en fait, mais le président a fait trop pervers, donc... Alors, Redouane, si tu peux nous répondre et nous donner un peu le déroulement de la soirée et les différents défilés, alors. Alors, Redouane se prépare... Rebonsoir. Bonsoir. Alors, pour le déroulement de la soirée, donc ça, il va y avoir plusieurs passages, deux fois robe de ville, un passage normal et un passage avec le micro qu'ils vont se présenter. Ouais. Un passage en maillot de bain. Ah ! Attends, mais elle est dorée en plus. Et quoi ? Et la Corée, elle danse en maillot de bain. Ah, bien. Et après, ils vont danser. Les candidats, ils l'auront achevé à présenter en maillot de bain également. Ils vont faire à la brillantine, je pense. Et ensuite, il y aura un passage de robe de mariée. Et on va finir la soirée avec les robes de soirée. Donc, c'est là où il va y avoir le couronnement. D'accord. Ah ouais. Donc, il y aura six passages pour les candidates. Et qu'est-ce qui est plus compliqué pour vous par rapport au défilé ? Parce que c'est quand même pas évident. C'est quoi ? C'est de défiler en tenue de robe de mariée, en tenue de maillot de bain, c'est de faire des chorégraphies, c'est de se présenter. Qu'est-ce qui est plus compliqué pour vous ? C'est Sephora, par exemple. Que c'est plus le maillot de bain et le discours. Ah ouais, d'accord. Et toi, Elodie ? C'est similaire. Je pense que le maillot de bain, c'est un maillot de bain. Donc du coup, oui. on est un peu dénudé. Donc c'est vrai qu'il y a la timidité qui rentre en jeu et la pudeur. Et après, je dirais aussi le discours. Parce que le discours avec le stress, ça peut être... Le pire, c'est parler en maillot de bain. Ouais. Donc il faudrait faire le discours en maillot de bain, en fait. Ouais. Ce serait encore plus dur. Là, vous nous achevez, ouais. Alors, comment ça se passe, le discours? Est-ce que vous le préparez à l'avance? Oui. Ouais, on vous donne des directives, on vous dit voilà, c'est un discours, il faut tel type de contenu, enfin je sais pas, parce que j'imagine. Faut présenter son âge, comment s'appelle, où on habite, notre profession et surtout ce qu'on préfère, les loisirs, tout ça. Ouais. Faut parler un peu de notre vie, mais pas trop long ni trop court en fait. D'accord. Le juste milieu. Et j'ai cru comprendre qu'à la présentation, c'était quelqu'un d'officiel qui présentait l'élection. Alors, c'est Dominique Villain-Allard qui est le responsable régional Miss France. D'accord. Donc, ça va être une très, très belle soirée. Alors, je le connais de vue et je l'avais déjà vu plusieurs fois. Effectivement, il paraît qu'il fait ça très, très bien. Tout à fait. Et qui met à l'aise aussi les candidates. Donc, à mon avis, ça se fera très, très facilement. Onissa, tu avais aussi une question, je pense. Tu voulais poser une question? Oui, moi, je voulais savoir que, quand même, elle défile... vous avez une hauteur de talon, et moi je parle des chaussures, c'est le fameux défilé là, pour pas glisser. Est-ce que vous avez une hauteur de talon réglementaire ou vous choisissez vous-même? Pas forcément. Non, les talons ils ne sont pas imposés, donc forcément il faut un talon. Après la taille, je pense que c'est libre choix. Et vous avez une taille de maillot de bain réglementaire ou pas? C'est une pièce ou deux pièces, je sais pas, mais c'est une pièce, d'accord. Attends. Ah bah je sais pas, moi je ne sais pas. Et alors c'est la pièce du haut ou la pièce du bas? Bravo, la pièce des deux. Bravo. Bon, eh bien moi ce que je propose, Sherlock, tu vas peut-être nous donner envie, à Elodie ou à Sephora d'aller au cinéma. Ah ouais, alors toi tu me dis tout la dernière minute. Tant que tu te prépares, moi j'avais envie de revenir quand même sur un événement qui nous a touché la semaine dernière, rappelez-vous, puisqu'on avait reçu Jean-Philippe Huguet. Jean-Philippe Huguet qui est photographe humaniste et qui propose donc une exposition à la bibliothèque de Waterloo qui s'appelle De l'ombre à la lumière. J'ai eu l'occasion d'assister donc au vernissage samedi matin et franchement je vous invite fortement à aller voir cette exposition. Ce sont des photos en général de SDF, ce sont des photos prises dans la jungle à Calais par exemple, ce sont des photos de gens qui errent dans les rues. Alors ce ne sont pas des photos volées, ils demandent toujours l'autorisation. Il a plutôt une technique d'approche. Lui, son objectif avant toute chose, c'est de montrer au monde qu'il existe ces gens-là et qu'il faut aussi s'y intéresser, qu'ils ne doivent pas passer dans l'ombre, qu'ils doivent passer de l'ombre à la lumière, justement. C'est pour les humaniser. Voilà, aussi. Et pour les humaniser, absolument. Et il suit régulièrement des associations caritatives qui viennent faire des maraudes pour venir nourrir ces gens, les aider, leur donner un peu de réconfort. Et lui, il vient faire des reportages photos. Et sincèrement, ça vaut vraiment le détour. C'est très, très émouvant. Il y a des photos, elles sont magnifiques. Ouais. Et c'est là qu'on relativise, quoi. On voit les photos, on se dit, mais c'est incroyable, le gars, il est super heureux. Et en réalité, non, derrière, il y a une vérité qui est cachée et c'est très, très beau. Alors justement, à ce titre, il faut ajouter qu'il n'y a pas que de simples photos. Les photos sont accompagnées de textes. C'est ça, absolument. Il y a une histoire derrière ces photos et c'est très profond. C'est énorme. C'est même parfois bouleversant. Il nous a raconté quelques... On ne peut pas appeler ça des anecdotes, c'est bien triste pour certains. Bien sûr, ce sont des drames. Des gens qui l'a suivi pendant quelques années, des gens de la rue qui ont fini malheureusement tristement. Oui, absolument. Hein, et jeunes. Et il y avait effectivement deux, alors je ne sais pas comment on a, deux expatriés, qui venaient du Pakistan, et justement qui les avaient suivis. Et puis, comme c'est très solidaire, c'est un mouvement, il n'y a pas que de la photo, c'est aussi c'est tout un groupe qui s'occupe des gens qui sont dans le besoin, et ces deux Pakistanais sont excellents. Ils sont arrivés il y a quelques mois en France et ils ont été intégrés dans une famille. Actuellement, ils suivent des études et c'est une belle preuve d'humanité. Je pense qu'on devrait peut-être tous suivre cet exemple-là. En tout cas, allez voir l'exposition. Ouais. C'est jusqu'au 20 mai. C'est gratuit. Donc, il n'y a plus de raison pour ne pas y aller. Et ça se passe donc à la bibliothèque de Waterloo. Et ça s'appelle donc De l'ombre à la lumière. Eh bien, dans la lumière, on va y aller. la lumière des cinémas avec les sorties ciné. T'as vu ça, je fais des enchaînements maintenant. Oh là là. Ouais, oh là là, hein. Ouais, oh là là, faut pas exagérer non plus. Hein. C'est vrai. Bon, c'est vrai. Quel bon temps. Après, faut que je retravaille quand même mes enchaînements. Mais ouais. Non, mais c'est. Il y a un effort de fait. Oui, donc effectivement, je vais vous parler des sorties cinéma pour demain pour la France et la Belgique. Et je vais commencer avec nos amis belges avec le film Django, qui est avec les acteurs Reda Kateb, Cécile de France, qui est belge en l'occurrence. C'est vrai. Et Patrick Mille, c'est vrai. Et donc c'est un film de Étienne Comard. Donc, j'ai bien dit Comard. Oui, on a bien compris. Ouais. Et c'est sorti en France le 26 avril. Donc ça se passe à Paris en 1943 sous l'occupation. Le musicien Django Reinhardt est au sommet de son art. D'accord. Guitariste génial et insouciant au swing aérien, il triomphe dans les grandes salles de spectacle alors qu'en Europe, ses frères Zigane sont persécutés. Ses affaires se gâtent lorsque la propagande nazie veut l'envoyer jouer en Allemagne pour une série de concerts. Donc il va essayer de rejoindre la Suisse. Ouais. Et là, il va y avoir plein de petits soucis. C'est un biopic, ça, alors ? Ouais, c'est tiré de son histoire vraie. Hein. D'accord. Ensuite, un film qui est là pas du tout tiré d'une histoire vraie, quoique. Le roi Arthur, la légende d'Excalibur. Ah, encore. Énième version. Avec Charlie Hunnam, Jude Law et Eric Bana. C'est un film de Guy Ritchie, donc ex-mari de Madonna. Ah oui, c'est vrai. Et ça sort en France le 17 mai. Donc, jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande, sans soupçonner le destin qui l'attend, jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt contraint de faire des choix difficiles. Rejoignant la résistance et une mystérieuse femme au nom de Guenièvre. Guenièvre qui a été Miss Aluin d'ailleurs. 1462. Oh, 1714. C'est un truc qui se boit ça, le Guenièvre. Le Guenièvre, c'est pas loin. C'est un peu comme le whisky. C'est ça. Quoique quand on a bu pas mal de Guenièvre, on dit plus pareil, on dit vraiment Guenièvre. Mais c'est vraiment Guenièvre, on l'appelle Guenièvre. Oui, Guenièvre. Il y a un U entre les deux. Faut que tu t'en bois avant d'aller voir le film. Peut-être. T'imagines, t'aurais une meuf qui s'appelle Guenièvre. Je te présente ma femme, elle s'appelle Guenièvre. Mais je crois que ça existe encore. Hein, comme ouais, mais. C'est beaucoup moins. Une génération répandue, quand même lointaine. C'est beaucoup moins répandu, mais je crois qu'il y en a encore quelques-unes. Donc, il est donc accompagné de Guenièvre et il doit apprendre la maîtrise de l'épée, à surmonter ses démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le tyran Vortigern qui a dérobé sa couronne et assassiné ses parents et enfin accéder au trône. Ah, il était pas pressé alors. Et souvent quand on boit trop de Guenièvre, on accède au trône. Et de toute urgence. C'est incohérent. Ça sent le vécu, monsieur. Merci. Et pour la petite info, ça n'est pas un film d'Antoine Fuqua. Oui, c'est ça. Ah ouais, qui avait fait quand même. Antoine Fuqua qui avait réalisé La Rage au Ventre. Oui, ça m'a toujours fait rire. C'est vrai, c'est véridique. Et qu'il a détrôné de ce fait-là. C'est un film, c'est ça. Ouais. Revenons à nos moutons. Alors, donc, je vais passer par les sorties France avec Message from the King, avec Chadwick Boseman, Teresa Palmer et Luke Evans. C'est un film de Fabrice Duwels, qui est un Belge. Ouais. On n'a pas encore de date, par contre, pour la Belgique. Donc, c'est Jacob King qui débarque de Cape Town à Los Angeles à la recherche de sa sœur disparue. Un étranger dans un monde dont il ne connaît rien. $600 en poche et un billet de retour pour Cape Town 7 jours plus tard. Au bout de 24 heures, il découvre que sa sœur est morte dans des circonstances étranges. Donc, il va mener l'enquête. C'est un film qui est quand même assez violent par rapport à ce que j'en ai vu. Lui vient de Cape Town qui est déjà pas apparemment une super. C'est où Cape Town C'est la ville du Cap. Oui, je croyais que c'était d'autres planètes. Cap Town en fait. Ah, Cap Town. Ah, ok. Et donc c'est en Afrique du Sud et c'est pas la ville la plus réputée en Afrique du Sud. Donc voilà, c'est un film qui est assez. Gore. Non, pas gore, mais assez violent. Alors, et je vais enfin finir avec le film Alien Covenant avec Michael Fassbender, Catherine Waterston et Billy Crudup. C'est un film de Ridley Scott. Bah ouais. Bah oui, bah apparemment ici. Ça a l'air de vous emballer. Bah non, mais c'est encore une énième version. Et c'est encore du Alien. Ils ont toujours pas eu la bestiole. Et ça sort en Belgique le 17 mai. Donc les membres d'équipage du vaisseau Covenant, à destination d'une planète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu'ils pensent être un paradis encore intouché. Il s'agit en fait d'un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Et ils vont tout tenter pour s'échapper. Forcément, il va y avoir des morts, il va y avoir du sang. C'est quoi, c'est un remake, c'est Non, apparemment, ça se passe des années après les films Alien. Ouais. Et donc, ils vont même découvrir des choses ayant appartenu à Ellen Ripley, donc qui était jouée par Sigourney Weaver. Ouais. Dans les années 80-90. Mm-hmm. Et donc, c'est un film qui se passe bien après. D'accord. Je pense qu'il va essayer de refaire une trilogie, peut-être une quadrilogie, comme il y a eu avec les premiers. Hein. Ouais. Si celui-ci fonctionne, je pense que ça va repartir de plus belle. Ouais, la bande-annonce est prometteuse, mais bon. Oui. Ouais. À voir maintenant. Ça, voir. Tout ça parce qu'ils n'ont pas utilisé le bon bégon en fait à l'origine. Hein. Ils ont utilisé le bégon vert au lieu du bégon jaune. C'est ça. C'est n'importe quoi. Je sais pas si ça existe encore le bégon. Je sais pas. Je sais pas si ça existe encore. Attention parce que les pubs que tu cites peuvent trahir ton âge. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Alors si en plus tu nous dis que c'était Michel Leb qui faisait la pub avec bégon vert. Ah ouais, j'adore celle-là. Et qui mangeait du chocolat bouquet d'or. Et ne parle pas de la mère Denis parce que sinon t'as ton billet. Pour la maison de retraite. Voilà. Et mon âge qui n'est pas bien différent. On n'a pas beaucoup d'écart, monsieur le maire, vous et moi. Bah écoutez, je vous en prie, soyez pas. Ouais, soyez ça pas de ma mère quand même, mince alors. Non, si ma main bonne. Pardon. Vous en êtes un autre. Absolument. Je vous l'accorde. Bon, allez, on va faire un tour de table et on va demander bien sûr à nos demoiselles, Elodie, Sephora. Alors, Elodie, tu irais voir quoi, d'après ce que tu as entendu ou ce que tu as écouté en tout cas? Je suis pas trop cinéma en ce moment parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ouais. Aucun. D'accord. Ok, bah bon, ça confirme. C'est voilà. À chaque fois, on dit qu'il donne envie ou pas d'aller au cinéma. Mais le problème, c'est que je peux pas inventer des films non plus. Ah, c'est certain. Donc c'est je prends ce qui passe aussi en ce moment au cinéma. Bien sûr, mais bien sûr. Sephora, t'irais voir quoi? Bah moi personnellement je vais pas au cinéma sauf pour voir des films d'horreur donc ah bah alors Alien ça devrait te faire plaisir pour soit plus gore quand même. Ah oui, d'accord. Genre Evil Dead. On en parlait tout à l'heure. Mais et monsieur le maire, vous iriez voir quoi? Guenièvre là pour voir. Au passage, je le dis, mais vous le connaissez certainement, vous le connaissez évidemment, il y a un super cinéma, un petit cinéma familial qui est le Familia à Lyon, qui est vraiment sympa. Qui est vraiment petit cinéma de quartier, comme on faisait dans le temps. Des prix démocratiques. Et parfois, des gens se disent mais c'est le petit cinéma de quartier avec les vieux films. Non, avec des nouveautés. Avec des nouveautés. On a toutes les sorties nationales, parfois une ou deux semaines seulement après. Ouais, absolument. Assez rapidement, en tout cas. Et le hasard fait bien les choses, c'est que c'est juste en face d'une salle qui s'appelle la salle du manège, dans laquelle il va y avoir l'élection de Miss Alieu 1, donc ce samedi soir. Donc à partir de 19h30, on ouvre les portes à 18h30. 18h30, voilà. 19h30, ça commence. Oui, c'est ça. Il vaut mieux être là un peu avant. Un peu avant, d'autant plus que bon, les places, donc il y a deux prix. Hein. Il y a le carré or donc à 25€, il y a les places à 15€. Les places à 15€, évidemment, c'est le premier qui arrive qui est le mieux servi, c'est ça. Hein. Tout à fait. Voilà. Le carré or, par contre, c'est des places réservées. Oui, elles sont très près de la scène. Et je précise que pour les enfants de moins de 12 ans, c'est 10 euros. C'est d'accord. Important quand on veut venir en famille. Oui, bien sûr. Ça ne revient pas aussi cher qu'on peut l'imaginer. Alors, est-ce qu'on a eu des messages, mon ami Sherlock? Oui, alors j'ai eu plusieurs messages. Notamment, là, il y a Alain Informatique qui me dit que Alien Covenant, c'est la suite de Prometheus, qui était sorti en 2012, qui était le préquel d'Alien. Ouais. Donc on est bien quand même reparti apparemment dans une saga. Ouais. Ensuite j'ai eu donc Alexandre Wall qui me dit allez, 13 000 candidates, je ne pense pas quand même. Alexandre Wall, tiens, dis donc. Ah bah je le salue au passage. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de message d'Alexandre, tiens. Donc je le salue au passage, s'il nous écoute, Alexandre. Salut Alex. Salut Alex. Alors j'ai Alain Informatique qui me dit également 19 candidates. Monsieur le maire, bonne réponse, mauvaise réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. C'est la mauvaise réponse. Ça a été dit à l'antenne tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Donc il n'écoute pas en plus. Alors, on rappelle qu'effectivement, vous avez la possibilité donc, de remporter, avant de remporter donc, la place Carré Or d'ici quelques minutes, vous avez encore la possibilité pendant la coupure musicale de remporter donc, une place pour aller assister donc, à l'élection donc, de Miss Aluin, donc ce samedi soir à la salle du manège. Et pour ça, il faut répondre à la question suivante. On va demander à Sephora de répéter la question. La question, c'est... Quel est le... Elle a pas de mémoire, c'est fort. Quel est le nombre, évidemment, de candidates? Ah, oui. Eh oui. C'était Elodie qui avait lu, je crois. Ouais. Voilà. Donc le nombre de candidates donc à l'élection de Miss Aluin. Si vous avez la réponse, eh bien vous pouvez prétendre à gagner une place. Donc il suffit tout simplement de nous envoyer donc la réponse via Facebook sur notre page 80 à l'heure. Donc combien de candidates à l'élection de Miss Waterloo, de Miss Aluin? Non, excusez-moi, de Miss Aluin. Vous n'habitez pas Waterloo, par hasard? Si. Bah, de temps en temps, faut sortir. Hein. Je sais. Excusez-moi. Du coup, j'en ai perdu le fil de ma pensée. Je ne sais si même plus. Place, alors, voilà, on a eu une réponse. C'était 19. C'est une mauvaise réponse. Donc, déjà, vous avez déjà une piste. L'année dernière, ils étaient 14. Il faut savoir qu'ils sont un peu plus cette année. Elles sont pas 19. Voilà. On arrive. À l'informatique me dit sur Facebook, justement, que sur la page Facebook de l'élection, il est noté qu'elles sont 19. Mais il a sans doute pas tort parce qu'on a eu une défection. Ah. Il y en a une qui a déclaré forfait, mais d'accord. Oui, mais étant donné qu'on a, on l'avait dit à l'antenne. Voilà. On l'a dit à l'antenne. On l'a dit. Donc comme il y en a une qui a déclaré forfait, elles ne sont plus 19. Je vous laisse compter. Ah bah. Maintenant, j'ai pas donné la réponse. En fait, Monsieur Formatique, il cherche les réponses sur Internet alors qu'il y a qu'à juste écouter mais l'émission. Mais oui, c'est ça. Mais il me dit qu'il écoute l'émission. Non, mais maintenant ça y est, c'est fait. Donc bon, mais par contre, il a déjà gagné une place, donc il peut plus participer. Il peut plus participer, mais si vous avez le sens de la déduction, évidemment, vous savez combien il y a de candidates à l'élection de Miss Aluin. Donc, on fait une petite coupure musicale et n'hésitez pas à participer donc via la page Facebook et tout le comité donc de Miss Aluin se fera un plaisir de vous offrir une place pour ce samedi soir. Sherlock. Oui, c'est moi. Ah oui, je me doute. Alors, je vous propose de partir dans le Pacifique. Ah ouais, quand tu prends... Quand tu serres mon corps. Bon. Non, quand tu prends... Non, tu prends rien du tout. Tu prends sacrément. Ça suffit, oui. Non, mais dis donc. Alors, c'est quand à quoi tu serres mon corps, tout contre mon corps. Il manque tes mots. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Effectivement, oui. Donc, on revient donc juste après ce petit... intermède musical avec Pacifique et quand tu serres mon corps. Ah oui. Bonsoir, vous êtes avec Pogo sur Radio RQC 80 à l'heure. Pogo, belle rencontre aussi, hein, ouais, également, qui était sur le plateau d'ailleurs de la tournée Top 50. Voilà, absolument, et qu'on a eu l'occasion d'avoir en interview il y a quelques mois maintenant, avec Sabine Paturel, Caroline Loeb, et moi, parce que partenaire particulier. Jean-Pierre Morgan. Oui, absolument. Le Stéphano, je ne sais plus quoi, là. Des graisses vertes. Stéphane. J'ai oublié le nom, tu vois. Ah, ouais. Stéphane Molino, non ? Ouais, ça doit être un truc dans ce genre-là, je pense. Ouais, absolument. Des graisses vertes. Voilà, il y a encore des dates de prévues. Oui, ouais. Alors, tiens, en parlant de concerts, j'ai vu qu'effectivement, sur Radio 1, il y avait pour la fête nationale, cette année, Indra qui sera là. Ah, waouh ! Alors, je vous rappelle d'Indra ? Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, ah ouais, l'époque. Bon, elle a quand même changé un peu. Hein. Elle a un peu changé quand même. Si t'as pas changé, peut-être. Ah bah si. Ouais, c'est une belle fille encore. Hein. C'est une belle fille. Alors, qui fait le choix ? Alors, cette année, donc, ça se passe le 13 juillet, donc 2017. Ça se passe où exactement, la fête nationale ? C'est au Parc Public. C'est au Parc Public. Et donc, cette année, c'est Indra, donc sous la tutelle de la génération des années 80. Et il y aura aussi Jesse Matador. Je connais un peu moins, mais... Ah oui, c'est beaucoup plus récent, ça, Jesse Matador. Ouais, un rappeur, j'imagine, ou c'est ça, non ? Non, c'est plus musique festive, ouais, voilà. un peu musique, j'allais dire musique des îles, mais c'est plus un peu plus zouk. D'accord. Zouk R&B, ouais, et voilà, tout ça. D'accord. Et rappelle-moi, Indra, elle chantait quoi ? Oh là là, je saurais plus. On va demander. Je regardais plus les clips, je n'écoutais la musique. C'est pour elle chantait quoi, Indra ? Ah ouais, pourtant, ouais. Si, bah, c'est quand même. Ouais, c'est, bon, non, c'est pas années 80, hein, c'est années. C'est début 90. Années 90, je crois. Ouais, 90. C'est années 90, hein, effectivement. Récent. Ouais, ouais. C'est, c'est récent. Et justement, tiens. C'est toi qui étais né alors. Ah, j'imagine. Bah, j'avais 20 ans. Enfin, j'ai 20 ans, là. Ah oui, d'accord, si t'avais 20 ans en 90, je l'ai fait pas. Non. Attention, parce que sinon t'es hors concours. Hein. Alors, si t'avais 20 ans au moment d'Indra... Non. Le principe de notre émission, évidemment, vous le savez, hein, elle s'intitule 80 à l'heure, donc c'est tout autour des années 80, le cinéma, la musique. Si je pose la question à Sephora, par exemple, pour toi, ça représente quoi les années 80 ? Ce serait quel type d'artiste, quel chanteur, quel acteur Alors, Jean-Claude François. Ah ouais, Jean-Claude François, Jean-Pierre. La musique. Claude François. Claude François. Ah, c'est avant. Enfin, c'est avant. Jean-Claude François, c'était son cousin, on l'a moins connu. Ah, il y a Jean-Pierre François qui chantait Je te survivrai. Ouais. Voilà. Oui. Et après, il y a Claude François. Alors, Claude François, non. Qui est mort en 78. Ouais, c'est ça, c'est fin des années. Alors, on l'accepte quand même. Le parce 11 que c'est mars quand même... 78. Voilà. En mars. Et je sais que c'était en mars. Et on considère. Ah, vous avez l'air au courant. Moi, j'aime bien Claude François. Ouais. Oh là là. Bon, ça, il fallait que je la fasse, ça. Non. Est-ce qu'on a vraiment fait toute la lumière sur le... Ouais, je sais pas si on a fait toute la lumière sur l'origine de son décès. Ouais. Ouais, c'est le genre de blague qui te met dans le bain. Ah, oh. Et là, ça va fort ce soir. Vachement branché ce soir. Hein. Ah, oui. On vous voit... On vous... Oh non, c'est quoi la phrase ? On vous voit, Bah, je sais plus. Je sais plus. Toi, t'as vu plus que Nièvre. Non, on vous doit plus que la lumière. C'est ça. Oui, bon, alors, oui, donc, oui, pourquoi pas. Claude François, on peut l'accepter parce que c'est fin des années 70. Les années 80, c'est ça aussi. Hein, c'est un peu fin des années 70, 70 et début des années 80. Quand on parle de Patrick Hernandez qui a sorti un tube dans les années. Un seul d'ailleurs. Born to be alive. Born to be alive, je crois que c'est en 78. La pochette aussi. Était verte. Oui. Pas forcément. Je le sais, je l'ai. Elle acheté. A été aussi violette. Ah, pardon. Voilà, elle a eu deux couleurs. Mais ça dépend. Oui. Ouais. Avec une tête à limite Arnaud. Ça dépend si c'est avant ou après le Guenièvre. Alors, on va poser la question à Élodie aussi. Élodie, pour toi, les années 80, ça représente quoi ? Moi, je dirais Peter Gabriel et Genesis. Ah oui. Il y a un rapport d'ailleurs, puisque Peter Gabriel faisait partie du groupe Genesis. Donc, bien. Voilà. Bonne référence. Il y avait Phil Collins. Ah ouais, franchement. Phil Collins aussi, non ? Oui. Dans Genesis, ouais. Alors, Phil Collins, c'était batteur du groupe. Et il est devenu chanteur par défaut du fait du départ de Peter Gabriel. C'est-à-dire, après de nombreuses auditions, il s'est avéré qu'ils l'ont gardé comme chanteur. C'est ça. Il y a eu un défilé pour passer Peter Gabriel et puis ils sont décidés à garder Phil Collins comme chanteur. Et vous, monsieur le maire, les années 80 pour vous ? Les années 80, c'est surtout pour moi le disco. Village People. Village People, voilà, exactement. YMCA, ouais. In the Navy. Et on doit voir ça. Et, ça, Et d'ailleurs, ma mémoire est bonne, ça prend naissance ici, en Belgique, les Village People, non ? Les producteurs et tout ça. Je me demande si c'est pas du Van Lo qui est derrière tout ça. Qui est parti aux États-Unis. Là, je vais pas être affirmatif là-dessus, mais tiens, ça vient d'un Français ou d'un Belge, je pense, la composition du groupe, des Village People. Il y avait Imagination, qu'on a cité tout à l'heure. Bien sûr. Le Freak, c'est chic, toutes ces choses-là. Oui. Voilà, moi, j'ai ça en tête, ça me rappelle tout ça. C'était chic. Le groupe chic. Oui. Le groupe chic. Oui. Ouais, qu'on entend encore maintenant, hein, parce que le guitariste, on le retrouve de temps en temps avec les Daft Punk. C'est le guitariste de chic. Oui. J'en ai qui me reviennent aussi. Pause Café, mais ils n'ont pas fait beaucoup de. Hein? Vous vous souvenez de ça ? De quoi ? Pause Café. Pause Café. Le feuilleton. 5h du matin, j'ai des frissons. Ah oui. 5h du matin, j'ai des frissons. Ouais. J'avais beaucoup aimé celle-là. C'était comment ? Justement. C'était Chagrin d'amour. Chagrin d'amour. Ouais. Chagrin d'amour. Ah non, c'est pas Pause Café, je confonds avec un feuilleton. Ah oui, c'est ça. Avec Véronique Jeannot. En disant Pause Café, je voyais ce que vous voulez dire. Mais ça, c'est les années 80 aussi, je pense. Ouais, je pense. Je pense aussi. Chacun fait ce qui lui plaît. Je mélange tout. Oui, chacun fait ce qui lui plaît. C'est ça. Chagrin d'amour, c'est ça. Chagrin d'amour. Avec Vali. Ouais. J'ai tout mélangé là. Ouais. Ah, ça c'est bon ça. Tu savais faire un tabac ça. Bien sûr. Mm-hmm. Oui. Je suis en train de chercher le jeu de mots là. Parce que je pensais aux cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier, donc je me dis, ça avait fait un tabac, il y a un rapport. Mais... J'ai même pas fait exprès. Ah bah voilà. Il y a eu un blanc. C'est ça. Moins involontaire. Ah ouais, j'adore ce titre. Mais comment vous l'avez retrouvé aussi vite le morceau ? C'est grâce à... Non, parce que je l'ai dans sa tête. Dans ma petite tablette. Ah ouais, parce que je le dis pour les rapide. Auditeurs, c'était absolument pas préparé, vous me l'avez trouvé tout de suite. Ah oui. Ouais, c'est Sherlock. Hein. Ouais, il est bon. Hein. Mais on le paye pour ça. Hein. Ah bon ? C'est pour ça qu'on le garde. En fait, lui a signé un contrat, mais il a bien failli. Puis être remplacé par Flip 4. Alors là, je te dis pas le. Non, en plus, j'avais dit Pause Café, il me trouve Chagrin d'amour et en plus, il le met à l'antenne. Ouais. Non, il est très fort. Il est télépathe. Peut-être. Ouais, je sais pas. Mais c'est bon. Allez, bon, moi ce que je vous propose, on va se quitter sur ces derniers mots. Ah oui, encore une place à gagner. Le carré d'or. Le carré d'or. Oui. Non, mais ça, il voulait repartir avec le carré d'or, notre ami. Ouais. Ah oui, bah oui, alors faisons-le, il reste 5 minutes. Il allait emmener notre carré d'or à Waterloo. Eh oui. Eh ouais, donc on sait qu'il habite Waterloo. Hein. Désolé. Ah oui, j'ai entendu dire. Allez, comme vous aimez votre ville à Luin, lui il adore sa ville. J'en profite pour saluer mon collègue Dominique Barr d'ailleurs, le maire de Waterloo, qui est très content d'ailleurs depuis que je connais bien. Alors en l'occurrence par rapport à Jesse Matador, il y a Michael qui est déjà venu nous voir à plusieurs reprises qui nous dit qu'il a été le représentant de l'Eurovision pour la France en 2010. Ah bon ? Il a terminé 12e. Ah, c'est pas mal. Dans un style coupé-décalé. Dans un style coupé-décalé. Ouais, c'est le style un petit peu des Antilles. C'est le style coupé-décalé, tu vois. Coupé-décalé. Il y a une chanson comme ça. Ouais, c'est ça, coupé-décalé. Coupé-décalé. Oh yeah ! Il est passé à l'Eurovision avec ça ? Oui. Ah bon ? Et il a fini 12e. Ok, merci. C'était, je crois que le titre qu'il a fait à l'Eurovision, ça devait être Olé Olé. Ou Ola Olé, ça promet. Oh là là là, oh là là les. Et bon, alors, on va faire gagner justement cette place carré d'or. Ouais. Pour ça, on va demander à monsieur le maire de poser la dernière question. Mais je me trompe, ou au niveau du nombre de candidates, on n'avait pas terminé pour le coup. J'ai à l'informatique qui m'a bien répondu de celle-là, mais. Il a déjà gagné. Il a déjà eu une place. Donc, Est-ce qu'elle reste en jeu celle-là, non ? Bah oui, du coup. Ah ouais. Alors, écoute, on va être obligé d'y aller gratos. Ah, j'aurais bien aimé. Dans ces cas-là, on joue le tout pour le tout. Il reste quelques minutes, on met en jeu la place carré d'or. Ah ouais. Allons-y. Allons-y. Place à 25 euros avec la question suivante. Allons-y. Alors, la question suivante. Tout à l'heure, une des candidates, qui d'ailleurs est dauphine de Miss Aluin 2016, a dit qu'elle pratiquait un sport à un haut niveau. Quel est ce sport? Voilà. Et d'ailleurs, si je peux vous mettre sur la piste, j'ai même dit qu'elle faisait du handball et que c'était pas vrai. Ouais. Je m'étais un peu gouré, quoi. Du handball. Moi, j'aime bien dire handball. C'est comme Dragon Ball. Voilà. Ouais, sauf que handball, c'est allemand. Je vais donner un autre indice, c'est pas tennis non plus. Voilà. D'accord. On peut y aller. Hein. Donc, si vous répondez à cette question-là dans les 5 minutes qui suivent, eh bien, vous remportez cette place carré d'or. Donc, c'est une place en, vous êtes en, en devant de scène, devant la scène. Ouais, pas sur la scène, arrivez. En pas, VIP, hein. Voilà. Ouais, ouais. Non, non, mais en VIP. Donc, une place carré d'or pour l'élection donc, de ce samedi soir. Donc à la salle du manège, donc l'élection de Miss Aluin. Allez, petite coupure musicale, le temps de cette coupure musicale, ben donnez-nous votre réponse donc sur notre page Facebook. On rappelle la question. Quel est le sport pratiqué par l'une de nos candidates qui l'a dit au micro tout à l'heure? Voilà, première dauphine, on peut dire que c'est la première dauphine. Elle n'est pas première dauphine, je me tourne vers Redouane. Si, elle est première et l'autre. Audrey, c'est la deuxième. Deuxième oui, dauphine. Ça, elle a dit, première, je... Donc deuxième. Donc c'est Audrey, deuxième dauphine, et elle ne fait pas de handball. C'est pas de handball. Voilà. C'est un dragon. Alors ben, justement, je vais demander à monsieur le maire de me donner un artiste des années 80. Je vais essayer de lui retrouver. Bon, on va essayer de refaire ce que je viens de faire, mon exploit. Je vais essayer de doubler. Ah, pour voir si vous allez le trouver vite. Il veut une augmentation, lui. Qu'il était payé pour ça. Et on le paye en Kinder, en fait. Hein, c'est ça, ouais. Il va montrer qu'il est très très bon. Qu'est-ce que je pourrais dire dans les années 80 Dans les années 80, je sais pas, quelque chose de Dalida, par exemple. Ah, la tuile, c'est la première moitié des années 80, parce que malheureusement, les... ouais, en 87, je crois qu'elle est décédée. 87. Eh non, j'en ai pas. Ah, t'as pas Dalida? Non, j'en ai pas là. Pas d'augmentation, pas de faute. Bon, bah tant pis. Qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Qu'est-ce que je peux trouver d'autre? J'ai eu Daniel Balavoine, mais j'ai pas de Dalida. Ah, Daniel Balavoine, oui, alors lui est décédé en 86, ça je me souviens, parce que c'était le Paris-Dakar. Oui. Bah Balavoine, moi, il y a des chansons que j'aime beaucoup. Hein. Allez-y. Bah, y avait Mon fils, ma bataille, non? Oui, je l'ai. Il n'y a pas de problème. Elle est très belle, celle-là. Et bah, c'est avec ça. Les juges et les lois, ça me fait pas peur. J'adore celle-là. C'est ça. Ouais. Ah, Mon fils, ma bataille. Et ça a été... J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps par rapport au film Kramer contre Kramer. Oui, avec Dustin Hoffman, c'est oui, ça Dustin Hoffman, oui, exact. Et Meryl Streep. C'est ça. Et en fait, le titre a été inspiré par le film et également de la vie d'un des amis de Balavoine qui était en plein divorce à ce moment-là. Et ça, je ne le savais pas. Voilà. Ah, si, Daniel Balavoine qui était parti d'ailleurs pour installer des pompes à eau et qui est revenu avec les pompes funèbres. Oh ah allez, sur ces bons mots. Déjà, Claude François avait été bien servi tout à l'heure. Oui, oui, oui. Ben, ça s'applique aussi pour lui. Hein. Bah oui, c'est clair. Allez. Je t'écoute démonter ma vie en pleurant. Si j'avais su qu'un matin je serais la salie, jugée sur un banc par l'ombre d'un corps que j'ai serré si souvent pour un enfant. d'or. Oh, oh, c'est moi qui lui construis sa vie lentement. Tout ce qu'elle peut dire sur moi n'est rien à côté du sourire qu'il me tend. L'absence a des torts que rien ne défend. C'est mon enfant. Ah bah non, on voulait prendre, on voulait surprendre Monsieur bah ouais. Maire, mais non, on n'a pas réussi. Bah le problème, c'est que quand on revient à l'antenne, le son se coupe dans le studio aussi, donc. Eh oui, bah oui, on bah oui absolument. Dit quand je suis entré, quand la petite lampe rouge elle s'allume, c'est ça. C'est qu'on est à l'antenne. Absolument. Je fais très attention. Absolument. Eh bien, il est passé 22h30, passé de 5 minutes déjà. Eh oui, oui. Non, pas comme d'habitude. Ah, mais elle n'était pas des années 80, celle-là. Mais non, ça, pas du tout. Ça, c'est une de mes préférées, comme d'habitude. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je préfère la version de Sinatra quand même. Oui, c'est la reprise aussi. Oui, c'est une reprise, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Pour une fois. Ouais. Pour une fois, ouais. Mmh. Une des 2144 versions. Une... Oui. Ah bon? C'est dans ces eaux-là, oui. 2100, peut-être pas 44, 2134, je crois. Je pensais pas autant. Je sais qu'il y en avait une. Parce que la 2134e, c'est celle de. Il y en a une là qui vient de. Avec des. Matt comment Pokora. Il s'appelle? Les Gypsy King, je crois. Ah, c'est possible, ouais, version. Il y a Matt Pokora qui l'a fait aussi, hein, donc. Voilà, on me parle pas de Matt Pokora. Ah ouais, mais bon, il l'a reprise quand même. Ouais, mais il reprend du Claude François, il n'y a rien de neuf. Mais non, mais il a remis au goût du jour Claude François pour la nouvelle génération. Il paraît que, comme d'habitude, ça passe quelque part dans le monde toutes les 3 minutes ou tout. Oui. Oui. Ah, bah il y a des chances. Ah, bah oui, évidemment, il y a des chances, c'est un standard. Mais alors, comme d'habitude, version française ou. Non, n'importe quelle version, je pense. Ouais, ouais, ouais. Moi je serais pas étonné. Je serais pas étonné. Qu'est-ce qui t'arrive, Onissa? C'est rien dit, moi. Bon. Allez, bon, finalement, est-ce qu'on a une réponse à la question pour remporter donc la place Carré d'Or, mon ami Sherlock? Écoute, j'ai à l'informatique qui m'a noté, elle fait du basketball. Ouais, bah, je lui ai raté. Dit non. Il m'a dit, elle fait du softball. Mmh. Je lui ai dit non plus. Mmh. Elle fait du water polo. Et là, il vient de me dire, elle fait du volleyball. Ouais. Ouais. Ça, c'est bon. Bah oui, mais il peut pas participer. Ah non, il voilà. a déjà gagné une place. Ah oui. Et oui. Ou alors il doit l'offrir. Quoi, il doit l'offrir? Oui, il doit venir avec quelqu'un qui, ah bah, qui c'est ira pas dans le carré d'or. Ah bah, non, mais nous, non, c'est trop facile. Place, c'est, pas grave. C'est trop facile. Enfin, je sais pas, on va demander à Monsieur le Maire si vraiment ça peut se faire, mais bon, c'est pas très juste. Cool, hein, ouais. Pas très juste, hein, quand même. C'est vous qui décidez. Hein, les places, elles appartiennent à la radio maintenant. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je peut-être. Non. Alors, on la met sur eBay. Aux enchères. Voilà, on la met aux enchères. Voilà. On la met aux enchères. Elle va finir eBay. À 10 000 euros. Ah ouais, on peut faire ça. Alors, faire lui, parce qu'il est encore en train de me parler. Hein. Ah ouais, bah, je me doute. Ouais. Ah, il est au taquet. Hein, il me note. Ok, je viens avec ma fille. Je prends le carré. J'offre l'autre. Ouais, sa fille, il la met à la place traditionnelle. Voilà, c'est ça, ouais, le carré. Voilà. Ah, moi je sais pas. Moi je sais pas si c'est vous qui décidez, évidemment. Ouais. Question subsidiaire alors. Hein. Alors non, bah non, non, en antenne. Hein, donc je sais pas, ouais, monsieur le maire, Gustave, qu'est-ce qu'on fait? Ah, bah, oui. On remet complètement à vous, les places appartiennent à la Moi radio, je dis non, c'est pas juste. Il a gagné une place, c'est bien, il a participé. Maintenant on aurait dû. Voilà, faut pas être trop gourmand. Voilà, voilà, faut pas être trop gourmand. En tout cas, on a bien pris tes coordonnées, Alain, et puis il suffira après, de se présenter. Voilà, je ne sais pas si d'autres réponses peuvent vous parvenir. Après, il reste encore des émissions ici dans la semaine. Les places peuvent être mises en jeu également dans d'autres émissions. Pourquoi pas? Notamment samedi matin, il y a une émission dans laquelle les places peuvent être mises en jeu. Eh ben, discutons-en hors antenne, ben on en parle, ouais, hors antenne, voilà. Ouais. Une carré or et une place traditionnelle. Ouais. Eh ben, on fait comme ça, on fait comme ça. Ouais, okay. C'est ça marche. Faire participer les auditeurs de la radio. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, on va se quitter sur ces derniers mots. Bah ouais, toutes les bonnes choses ont une fin, évidemment. Monsieur le maire, merci. Cher ami, le mot de la fin, mais je vous en prie. Le mot de la fin, peut-être, oui. Ah bah, c'était un plaisir. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis que la meilleure gagne. Bien sûr, je crois qu'on peut terminer par ces mots-là. Absolument. Donc on peut dire qu'il y a 18 candidates donc qui vont se succéder pour aller shipper la couronne de Ambre. De Ambre, donc Miss Aluin 2016. Donc ça se passe samedi soir à partir de 19h30 donc à la salle du manège. Non, ça commence à 19h30. Tu dois arriver. C'est ce que je viens de dire. Mais c'est ce que je viens de dire. Sinon c'est trop tard. C'est ce que je viens de dire, ça commence à 19h30, oui. Mais ça commence précis. Et ouverture des portes à 18h30. Pour être absolument bien placée. Elle va se calmer, Mimi Mathieu. Bah ouais, je sais pas ce qui lui arrive, mais elle me répète la même chose. Oui, c'est ce que je viens de dire, 19h30. T'as tout visé à côté aujourd'hui. Mais elle est pas bien, elle. Bon, en tout cas. Ça va mal finir, je pense, hors antenne. Ouais, on va la virer. On va la virer. En tout cas, ben, merci à vous. Et puis, ben, bonne chance à toutes les candidates. Et nous, on se retrouve évidemment donc la semaine prochaine. Semaine prochaine avec Canon qui viendra nous rejoindre aussi. On lui fait un coucou quand même. Parce qu'il on lui fait un coucou ce soir. Absolument, on lui fait un coucou. On a beaucoup pensé à toi, surtout maintenant. C'est pas possible. À fond dedans. Hein. Allez, portez-vous bien. En tout cas, ouais, restez à l'écoute de RQC 95 FM. Et nous, ben, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. Et les filles, éclatez-vous. Hein. Ah ouais, merci, amusez-vous beaucoup bien. Voilà. Et on va se quitter avec un titre de Peter Gabriel et Don't Give Up. Ah, eh ben, voilà. Ah ouais, et d'ailleurs, avec la chanteuse, c'est. Évidemment. Tu vas nous le dire. Bah oui, Peter, évidemment. Peter Gabriel et allez, vous allez m'aider. C'est pas Dalida. Stable. C'est pas Dalida. Non, c'est non. Mais Indra. Une grande chanteuse. Non, Indra. Je sais pas. Alors bien sûr. Alors bien sûr. Don't give up. Don't give up avec. Tina Turner. Bon, eh ben vous le saurez la semaine prochaine dans le prochain épisode. Mais si, saga, évidemment. Évidemment, ils sont deux à chanter. Kate Bush. Et Kate Bush, évidemment. Allez, bonne nuit. On se quitte avec ça. Bye. Ciao, bye. Bye. Ciao. Ciao. Thank you. You worry too much. It's gonna be alright. When times get rough, you can't fall back on us. Don't give up. Please don't give up. Settle down.